écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans la sainteté, une autre édition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Ça fait longtemps, tu nous as abandonné. Tu étais où? Je suis là. Je suis là, mon frère. Je ne vous ai pas abandonné. Elle est où, Chelsea? Elle dort déjà? Elle ne s'appelle plus Chelsea, mon frère. Elle s'appelle maintenant quoi? Cameroun? Ah, c'est l'équipe de... Non, mon frère. Mais... Je lui ai donné le nom d'Adassa. Mm-hmm. Pourquoi vous lui avez donné d'abord le nom de Chelsea? Son père aimait le football club Chelsea ou bien la ville de Chelsea? Non, mon frère. C'est que je ne sais même pas pourquoi j'ai donné ce nom. Je regardais pas le football, je sais pas. C'est venu comme ça, donc il n'y avait pas de... J'avais une expérience. Il n'y avait pas vraiment une raison particulière pour ça. Et son père n'était pas encore là à l'époque. Donc, c'est moi-même qui a choisi le nom. Donc, avec le recul, donc, le Seigneur m'a mis dans le cœur de pouvoir changer ce nom. Donc, voilà. La sœur, bonsoir et bienvenue. En tout cas, Adassa, j'espère qu'elle générera et changera de royaume. La sœur, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mes frères et soeurs. Donc quoi? Tu n'es pas en urgence, n'est-ce pas? Non, ça va? Courage, 2019 est arrivé. Bonsoir ma soeur. La soeur, où est la soeur Shana? La soeur Shana, bonsoir. Dis bonsoir tonton. Coucou bonsoir, tonton. Bonsoir. Elle reconnaît. Voilà, vous voyez comment elle sourit, n'est-ce pas? Elle reconnaît. Ça va, mon bébé? Ça va? Ça va. Le club Plotra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, notre frère Junior, bien bonsoir. Aimé. Bonsoir, Junior. Mettez-moi de chercher un papier. Bonsoir, mes frères. Voilà. J'ai des papiers avec moi, on peut commencer avec les questions ce soir. Donc, on commence rapidement parce que la connexion n'est pas du tout bonne ici au pays. Je ne sais pas pourquoi ça dérange comme ça. Commençons par des questions. Bon. Ah, avez-vous des questions? Le père nous prend à chaud en même temps. Ah ouais. On se met à jour. Oui. À jour rapidement. Non, vous ne saviez pas qu'on doit travailler avec en fait, 21 heures. Moi, je voudrais qu'on parle un peu d'un peu. Eh, le frère. Qu'est-ce qu'un... Et quel est l'impact d'un vœu? Donne-moi une seconde. Et quelles sont les conséquences d'un vœu? Oui, donne-moi une seconde, une note là. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. La sœur Odile, ça n'est bonsoir et bienvenue dans Belgique, dans la sainteté. Bonsoir tout le monde, bonsoir frère Julien. Le frère Emmanuel Yoba, bonsoir. Bonsoir. Bon, comme les autres, je ne vais pas mettre de vidéo, donc j'enlève aussi ma vidéo alors, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de vidéos ouvertes. Les vidéos sont ouvertes, hein? Oui, hein. Moi, je vois la sœur Reine, je vois le frère Emmanuel. Donc, c'est ma machine qui pète les plombs. Je vois le frère Junior. Vous savez qu'en Belgique, on pète les câbles seulement. Bon, alors on commence donc. J'ai noté question, c'est quoi le vœu? Oui, oui, c'est quoi le vœu? Et puis, tous les entours du vœu, son côté positif, son côté négatif. Vraiment en gros quoi. Voilà. Le frère Mané Yoba, comment peux-tu définir quoi le vœu? Il ne veut pas répondre. Non, j'attendais en fait. Le vœu, c'est comme un engagement. Oui. Donc, ce n'est pas un engagement, c'est comme quoi? Enfin, c'est un engagement. Oui. Bon, Fred Rabi, voilà la réponse qu'il a donnée. Tu es satisfait? C'est un engagement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est un engagement. Point. C'est tout. C'est un engagement. Un vœu, c'est un engagement. C'est vrai, on dit que si pas dans une entreprise, on lui donne le travail ici, là-bas, ça veut dire que c'est un vœu. Si, voilà, or, logiquement, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que s'il va dans un travail, il va rentrer dire à son épouse que je me suis engagé avec telle entreprise. Il peut donc changer ça en synonyme en disant que j'ai fait un vœu à une entreprise, quoi. Hein, Emmanuel Yoba? Le frère Loïc Jérémy, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Tonton Junior, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous sommes dans la première phase des. Nous avons juste commencé. Nous commençons avec les questions-réponses. Donc, je suis à votre service. Comme d'habitude, Dieu. Avant qu'on ne voit le thème, si le Seigneur permet que nous voyons un thème aujourd'hui. Donc, j'ai devant moi, de toute façon, ouvrons le livre des Nombres au chapitre 30. On est content de vous avoir parmi nos frères ingénieurs. Je suis toujours. Ça fait longtemps. Vous êtes toujours dans mon cœur. Page 2, off 3. Amen. Vous êtes dans le livre des Nombres, n'est-ce pas? Mm-hmm. Verset 1, 2, 3. Quelqu'un peut-il lire? Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parle aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Arrêtons d'abord là-bas, parce qu'on va continuer maintenant avec le cas de la femme. On va lire doucement. Vous pouvez noter les 16 versets là, noter nombre chapitre 30. Vous y êtes. Donc nous voulons répondre à la question, c'est quoi un vœu? Et comme le frère disait, noter ici, le côté positif des vœux et le côté négatif des vœux. C'est très bien, c'est bien de tel enseigne qu'il faut qu'on explicite ces choses-là. D'accord, frère? Amen. Vous y êtes, on y va? Oui, frère. Voilà. Donc, dans ce livre des Nombres, chapitre 30, la Bible déclare que Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel t'ordonne, ou bien a ordonné dans cette version. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel. Soulignez dans votre Bible, si vous avez plutôt la version téléphonique et Android moderne, vous ne pourrez pas souligner. Notez vœu à l'Éternel. Voilà. Dans le verset 2, donc, il est dit, fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement. Regardez, il veut que vous voyez bien le mot. Il n'est pas dit, fera un vœu à l'Éternel et un serment pour se lier par un engagement. Alors, remarquez très attentivement, ici, il est dit, un serment pour se lier par un engagement. Alors, le frère Emmanuel Yoba, qu'est-ce que tu as dit maintenant par rapport à la définition que tu as donnée tout à l'heure? Ah là, je comprends plus rien. Donc, d'après ce que nous sommes de lire, vous voyez effectivement, je ne sais pas si vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Okay. Oui, frère, 5 sur 5. Voilà, dans ce qu'on venait de lire déjà dans ce verset 2 des Nombres chapitre 30, il ressort que l'engagement est lié dans le vœu. D'accord? Parce que remarquez très attentivement, le volet suivant dit, il ne violera point, parce qu'il s'est déjà lié. Il ne violera point sa parole. Donc le vœu, c'est une parole qui sort pour te lier à une décision, à une chose ou bien à un principe que tu as pris. Je prends un exemple simple. Vous décidez un de ces jours, vous dites chaque mercredi, désormais, je dois jeûner. Vous remarquez très bien que c'est vous-même qui avez dit. Alors vous êtes lié par la parole qui est sortie de votre bouche. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, il dit, lorsqu'un homme fera un vœu, remarquez ça, entoure l'homme, parce que c'est important, parce que dans ces cas, si on en voulait toucher le cas de l'autorité par rapport de l'homme par rapport à la femme. C'est le livre de Nombres, chapitre 30 à 16 versets. Prenez le temps de lire tous les 16 versets. Je crois que ce serait mieux qu'on lit, puisque ce n'est que 16 versets. Allons-y, continuons la lecture, mon frère, continuons la lecture déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous au bouleversement en Europe. Préparez-vous. Préparez-vous. Oui, allons-y, mon frère. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aurait fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il n'en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et ses engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve est répudié ou répudié, pardon, l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera un vœu ou se sera liée par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous ses engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés. Pardon. Mais l'Éternel lui pardonnera. Voilà. Maintenant, toi qui as lu, qu'est-ce que tu nous expliques, ce que tu as lu là maintenant concernant ce principe de l'autorité. Et là, vous voyez effectivement comment on a la hiérarchie de l'autorité parentale par rapport à l'homme, le mari. Et le... Ça, c'est clair. Voilà l'ordre. Je crois que je ne sais pas si j'ai déjà parlé de cet enseignement. Chaque fois, j'en fais état de cela, le gouvernement des dieux, le principe de l'autorité. Je crois que c'est plutôt dans la femme de la sainteté qu'on va en parler véritablement par rapport à l'autorité parentale, par rapport à la femme. Mais j'en ai glissé plusieurs fois dans les différentes strates de l'autorité telles que prônées dans les Saintes Écritures. Voilà là où on en est. Le frère Trabi, quand toi tu as lu, qu'as-tu suivi là-dedans dans ce livre des Nombres chapitre 30? En fait, ce que j'ai suivi ici, mon frère, c'est que une femme peut faire un vœu à l'Éternel et que elle n'a pas avisé son mari n'est pas au courant du vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Mmh. Et quand son mari maintenant prend connaissance de ce vœu-là, il peut annuler ce vœu-là s'il n'approuve pas. Mmh. Elle n'est pas coupable devant le Seigneur. Et d'après ce que tu as suivi, maintenant, quelle est la réponse? Le vœu, donc, c'est quoi, d'après ce que nous allons le dire? Bon, pour le moment, ce que je vois, c'est que le vœu est, un engagement par lequel on se lie, en fait. Mmh. Et on est obligé de respecter ce vœu-là, bon, obligatoirement, on est obligé de mettre ça en pratique. Emmanuel Yoba. Oui, j'avais une question. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que par rapport à ce passage, la femme est soumise à deux autorités. Mmh. Enfin, soit à l'autorité parentale ou soit à celui du mari. Et bon, ce que j'ai compris, mais bon, j'aimerais être éclairé par rapport à ça. Oui. Quand elle souhaite se marier, quand elle fait le vœu de mariage, il n'y a que le mari qui a le pouvoir de l'annuler et non les parents. Le vœu de... Allô, mon frère. Allô? Oui. Oui, je disais, quand elle fait le vœu de mariage, il n'y a que le mari qui a le pouvoir d'annuler ce vœu-là. Est-ce que les parents peuvent annuler ce vœu? Comment elle va faire le vœu de mariage alors qu'elle est mariée? Parce que là, tu parles de son mari. Si tu dis qu'elle a fait le vœu de mariage, elle a deux maris. Elle veut se marier encore avec qui? C'est compliqué la question, non? Parce que tu dis, si une femme fait le vœu de mariage, il n'y a que son mari qui puisse annuler. Mais si elle est déjà mariée, comment elle va faire le vœu de mariage avec une autre personne? Tu vois? Mm-hmm. Mm-hmm. Je crois que tu veux dire, par exemple, si une femme s'est engagée à épouser un homme, elle essaie d'engager là-bas. Son père n'a pas pouvoir et autorité sur cela, parce que c'est Dieu qui lit le mariage. Le père n'a pas autorité là-dessus. D'accord? D'accord. Voilà. On peut continuer la lecture. Comme ton, puisque ta connexion est bonne, ouvre le livre Bon, il commence à noter concernant ce vœu-ci. Ouvre le livre de. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Emmanuel Yoba, prend le livre de Deutéronome, voir chapitre 23. Et merci, le frère Trabi, merci pour la question parce que ça va nous permettre de régler certaines petites choses qu'on a perdues dans la marche spirituelle. Parce que la notion du vœu est tellement importante que vous allez voir effectivement comment on va toucher le cadre spirituel de cela. Et on va comprendre effectivement, lorsqu'on a des fonctions avec Dieu à un moment donné, vous pouvez faire un vœu effectivement pour pouvoir accentuer dans la marche du Seigneur et vous mettre en marge de tout cela qui tombe en défense en route, c'est-à-dire amener Dieu à vous fortifier dans la marche. On va voir ça tout à l'heure. Chapitre 23, j'ai dit quel livre déjà? Deutéronome 23. Voilà, lisons les versets 18 à 23. Allons-y, mon cher frère. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chemin pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton père aucun intérêt, ni pour argent, ni pour ville, ni pour rien de ce qui se prête à l'intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu ne tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Mmh. Encore, relis encore ce verset 23. 21. Oui, allons-y. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as lu, mon frère? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu en comprends par rapport à ce qu'on a le sujet qu'on a de voir? Parce que le but c'est voir le bon côté, enfin le côté positif tel qu'il a positionné et le côté négatif du vœu, d'accord? Mm-hmm. Mm-hmm. Allons-y. Lorsqu'on prend un vœu à Dieu, il faut vite le réaliser, sinon c'est un péché. As-tu déjà fait un vœu un jour, frère? Deux vœux. As-tu déjà fait des vœux? Oui. As-tu déjà eu à faire les vœux et n'est pas accompli, frère? Oui. Et qu'est-ce que tu comprends maintenant? Tu comprends finalement qu'il faut qu'on marche de façon sérieuse, n'est-ce pas? Oui. C'est ça qui va nous permettre de dessiner les deux côtés. Je crois qu'il y en a, des centaines de versets qu'on pourrait voir concernant ce sujet. Remarquez que la première personne qui a commencé à faire le vœu, c'est justement Jacob. Si vous avez suivi l'enseignement que j'avais fait longtemps, dans l'enseignement concernant les prophéties, non, ça c'est pas les prophéties, c'est les dîmes. Nous avons lu dans le livre des Genèse au chapitre 28, le verset 20, où la Bible déclare que Jacob fit un vœu à l'Éternel, que si tu me fais traverser ces fleuves, tu me fais ceci, ceci, alors je donnerai la dîme. Vous voyez, si tu fais ceci, alors je ferai ceci. Alors, maintenant, sachez, il faut que vous le sachiez, que dans la Bible également, il y a le vœu pour Satan, pour les serviteurs de Satan. Donc, vous pouvez faire un vœu à Satan pour que Satan accomplisse cela. Si vous lisez le livre de Jérémie, j'espère que vous avez le stylo pour noter. Si vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 44, le verset 25, en tout cas, c'est repris même dans le livre de Jérémie, chapitre 7. Dans le Jérémie, chapitre 7, la Bible déclare là-bas, parlant des serviteurs de la reine du ciel. J'espère que vous connaissez cela. Oui, oui. Mm-hmm. Ainsi, oui. Dans ce livre de Jérémie, chapitre 44, verset 25. Pourquoi la vidéo de la sœur Odile est posée sur mon téléphone, sur mon ordinateur là? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Vous avez vu cela? Donc, d'après ce que Dieu nous dit ici, ces serviteurs de Satan, les serviteurs de Marie antique, ont décidé d'offrir des sacrifices et autres là-bas, comme les gens vont sur les pieds dans le village, dans d'autres les coups d'eau, en disant à Mami Wata, si tu m'enrichis, je vais faire telle chose. Ouais, les promesses qu'on fait. Si vous faites telle chose, je ferai. Dans le monde spirituel, dont les paroles, enfin, Jésus nous a présenté ça dans le Saint des Écritures, les paroles sont esprit. Parce que les paroles, la Bible déclare que l'exécuteur, parlant du Seigneur Jésus par exemple, que l'exécuteur de sa parole est puissant. Les paroles que nous sortons de notre bouche ne doivent pas être anodines. Nous devons savoir, en tant que serviteurs du Seigneur, en tant que les enfants du Seigneur, que la parole que nous prêchons, ou bien la parole que nous parlons, en tant que peuple sanctifié, ce que nous sortons de notre bouche, nous devons prendre les mesures à cela. C'est ça qui va toucher le bon côté et le mauvais côté. C'est sur ce point, c'est particulièrement, qui va nous permettre de dessiner la ligne entre le bon et le mauvais côté du vœu. Maintenant, ici, dans ce livre de Jérémie, chapitre 44, verset 25, il est question de Dieu qui a de dit aux gens que vous avez fait vos vœux à la reine du ciel. Vous avez dit de votre bouche et fait un vœu que vous allez lui offrir l'encens et lui faire des libations. Maintenant, vous l'avez fait. Et Dieu les félicite qu'ils ont fait. Ils ont donné le vœu à Satan. Ils l'ont accompli. Vous voyez cela? Il est maintenant accomplissez donc votre promesse. Remarquez très attentivement que Dieu est au courant et il entre même en contact avec eux par rapport aux vœux qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait ça à Dieu, mais ils ont fait à la reine du ciel. Gardez-vous cela à l'esprit. Donc il y a des gens qui font des vœux à Satan, des gens qui ont vendu leurs âmes, comme par exemple les musiciens mondains, les acteurs qu'on voit là, ils vendent leurs âmes, ils font des vœux devant Satan pour se prosterner, vous me donnez le pouvoir, d'autres livrent totalement le pays, je vous livre mon pays pour 99 ans, d'autres livrent leur famille pour 99 ans, vous sortez dans une mauvaise famille, vous confirmez la confirmation. Alors donc il faut qu'on fasse attention, je crois que l'une des sessions que nous allons faire après cet enseignement, c'est écouter très attentivement, il va falloir que chacun de vous prenne le temps de prier pour tous les vœux familiales, qui a dû toucher et toucher et qui continue à toucher à votre destinée. Il faut prier dans ce sens-là pour rompre toute cette alliance-là. Parce que les vœux impliquent automatiquement l'alliance, comme on a vu là, les serments. Parce qu'on a dit que si quelqu'un fait un vœu pour se lier par ce serment, vous voyez cela? Donc, tout vœu implique automatiquement de l'alliance, automatiquement dans les serments. Et automatiquement, donc, les vœux s'implémentent et sont implémentés sur le plan spirituel, soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. Ça veut dire quoi? Quand vous faites un vœu, vous avez invité un esprit pour veiller comme gardien sur votre engagement que vous avez pris. Puisque vous prenez autorité, vous prenez l'engagement devant les esprits. Vous parlez, vous prenez un vœu devant un être qu'on ne voyait pas, donc c'est spirituel. Les vœux donc sont spirituels. La promesse des vœux donc doivent être manifestés spirituellement, enfin physiquement, afin que ce qui la personne soit de Dieu, soit l'esprit qui est derrière négatif, puisse être content de vous, bien de vous châtier. On peut avancer ce soir? Oui, mon frère. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1, lisons le verset 11, ça nous intéresse également. 1 Samuel chapitre 1, Benji dans la sainteté, rebonsoir. Rebonsoir. Je suis fier d'être dans votre bonsoir. Milieu. Donc ça c'est la première question, examinons ça rapidement, on continue, parce qu'il y a des choses terribles. Qui sont... C'est qui? C'est la soeur Suzanne sûrement. Bien sûr. La soeur Suzanne Cloudon, bonsoir. C'est compliqué là. Voilà. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Verset 11. Lisons le verset 11 du chapitre de 1 Samuel chapitre 1. Rapidement, parce qu'on va lire plusieurs. Verset elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu me donnes, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Voilà. Le verset 21. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui. Verset 21. Mon mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Et vous voyez effectivement que le vœu qu'elle avait accompli, c'est ce qu'elle avait dit dans sa prière. N'est-ce pas, frère? Et donc, vous voyez que ce que Anne a fait, elle a fait exactement tel que le frère Samuel, enfin, le frère Emmanuel a lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 23 tout à l'heure. N'est-ce pas, mes frères? On va continuer. Donc, nous voyons ici quelqu'un qui est dans une difficulté et qui vient devant le Seigneur en disant, Seigneur, si tu gagnes, mais fais quelque chose. C'est pour ça qu'il voulait dire, il voulait parler des côtés spirituels du vœu, ce qui est important pour nous. Mais faites ces choses-ci. C'est pour cela que, vous allez voir, c'est vraiment amusant. Je me souviens, comme mon épouse prend souvent mes documents de 2009, elle lit les choses que je faisais, que j'écrivais à l'intérieur. Vous voyez des choses que vous demandez au Seigneur et que vous voyez en fin de compte que tout est là, tout y est. Tout y est. Mais si vous ne notez pas, comment vous allez savoir? Des vœux qu'on a fait au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes une femme, que ce soit telle femme. Et grâce est venue. Vous voyez cela? Elle est là. Elle rit ici à côté. Alors maintenant, regardez. C'est vrai, on dit, nous, en prenant l'exemple de la sœur Anne ici, en prenant l'exemple de la sœur Anne, nous voyons qu'elle a fait un vœu à Dieu parce qu'il y avait un blocage par rapport à la conception. Mais il y a des gens qui menacent plutôt le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, tu ne me donnes pas élevé dans le monde. Ils ne comprennent pas. Il y a un principe. Faites une promesse à Dieu. En tout cas, c'est plein dans les Saintes Écritures. Donc, ce principe-ci de placer la demande avec le vœu est très bien dans les Saintes Écritures. Nous venons de voir ça avec Anne. Elle a fait un vœu à Dieu et elle a accompli justement son vœu. Parce que Dieu a dit que si tu ouvres ta bouche, tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir parce que Dieu n'aime pas ceux qui ouvrent la bouche pour pécher. Comme on va voir dans le livre d'Ézéchiel chapitre 5 tout à l'heure, vous pouvez déjà noter. Ézéchiel chapitre 5, enfin, Ecclésiaste chapitre 5. Quand ça commence à me prendre là, ça va dans tous les sens. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 et 5, on va lire. Regardez bien. Elle fait le vœu. Dieu lui accorde effectivement l'enfant. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 1, là, la Bible déclare qu'elle est descendue, son visage ne fait plus le même. Elle a conçu, elle a enfanté, elle a dit à son mari, Elkana, que voici ce vœu. Elle est venue faire exactement ce qu'il avait dit. Maintenant, regardez maintenant. Ce que Anne a fait, si vous lisez le livre de Proverbes au chapitre 31, parlant des Lémuel, ouvrons cela rapidement. Il y a des choses qu'on lit et quand on pose des questions, on voit que ça revient. Proverbes chapitre 31, les versets 1 et 2 seulement. Versets 1 et 2. Parole du roi Lémuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Oui. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Voilà. Donc, vous voyez la façon que la maman de Lémuel l'appelle, vous voyez effectivement que même sa maman avait certainement des problèmes de conception. Elle a fait un vœu à Dieu et elle dit que ce garçon, c'est le monsieur qui est devenu roi, c'est l'objet de ses vœux. Vous voyez comment Lémuel est appelé dans la Sainte Écriture, n'est-ce pas? Donc, Lémuel également, le roi Lémuel, est l'objet du vœu de sa maman. Et donc, certainement, parce que lorsqu'on voit les instructions qui se passent là-bas, certainement, je ne dis pas que c'est biblique, je mets ça entre guillemets, certainement, sa maman avait dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer, il sera à ton service. Et pas étonnant, donc, une maman donne ce genre de conseils à ses enfants. Garde-toi des femmes qui font perdre la tête au roi. Garde-toi des liqueurs fausses, ce n'est pas au roi de boire des liqueurs fausses, parce qu'il veut que ce roi-là soit de bons rois. Pas étonnant que c'est dans ce chapitre qu'il se trouve dans la femme vertueuse. Vous comprenez que la maman de Lémuel, souvenez-vous ici, ce n'est pas une juive, c'est une arabe. C'est le roi dont on parle ici, c'est un arabe. Ça n'a rien à voir avec c'est pas les juifs. C'est un arabe ici, dont la maman était un arabe. Voilà. Alors maintenant, on continue. Ouvrez Ecclésiaste dont je parlais tout à l'heure. Donc, en tout cas, ce qu'il voulait mettre en exergue ici, c'est les gens, le fait que si vous voulez prier, mais je vais toucher le danger, le côté dangereux et le côté positif de cela. Maintenant. Si vous voulez faire des vœux à Dieu, vous pouvez faire le vœu et je vous encourage donc d'en faire pour que ça vous responsabilise. Mais il faut faire attention. Nous sommes sur les pincettes maintenant. Parce que nous avons vu clairement que Dieu a dit que quand on ne fait pas de vœux, ce n'est pas prêt à l'accomplir, comme on a vu. Maintenant, souvenez-vous, le vœu peut être fait à une personne et devant Dieu aussi. Et que ça soit devant une personne, vous vous engagez devant Dieu automatiquement. Donc, si vous faites le vœu même à une personne, vous vous engagez direct parce que c'est lui le Dieu des alliances. Donc, même si vous faites n'importe quoi sur la terre comme engagement, vous vous liez par un serment. C'est pas ce que vous comprenez. Oui, mon frère. Frère, je... je peux poser une question? Pose la question. Mais ne sois pas du sujet. Il faut que ce soit dans ce sujet, surtout quand on est épuisé. Oui, tout à fait. Je reste dans le sujet. C'était juste pour savoir, en fait. Est-ce que, en tant que croyant, lorsque nous prions, nous devons nécessairement demander des choses à Dieu? Philippiens chapitre 4, verset 6. Allons-y rapidement là-bas. Pendant que laissez-le, c'est lui-même qui va lire. Restez dans votre ecclésiaste, on va lire. Il faut que lui-même lise là. Jésus a dit dans Matthieu 7, 7 que tout le monde connaît, on écrit même sur les tasses. Il a dit quoi? Demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. Alors, celui qui cherche. Ça, c'est clair, frère. Ça, quand c'est... tu étais à Abidjan, tu balançais ça pour toi. Oui. Ça c'est. Ok. C'était quoi, Éphésiens, quoi? Excusez-moi. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Allons-y. Rapidement, on vient dans le sujet. Entre temps, vous trouvez Ecclésiaste chapitre 5 là. Tu y es, mon frère? Non. Si c'était les Bibles électroniques, vous auriez été fort pour trouver. C'est bon, j'ai trouvé. Philippiens 4. Verset 6 et 7. Allons-y. Okay. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tu parles. Un seul Dieu et Père de tous. J'ai pas dit Éphésiens, j'ai dit Philippiens. Philippiens. Courage, mon frère, on t'attend, on est patient. Philippiens, combien? Le bien presque arrivé, non? Avant qu'on le signe. Mon frère? Oui. Oui, c'est la sœur Annie, vous m'entendez? Saint Saint. Oui, est-ce que le frère peut lire la Bible avec son bonnet sur la tête? Pose-lui la question directement. Non, c'est juste quelque chose qui m'est passé par l'esprit. Ça doit être passé par l'esprit. C'est pas toi qui as fait que ça passe. Pose la question. Moi-même, je vois. Je reste tranquille. Pose la question là directement. C'est juste comme ça. C'est non, juste non. Une question. Non, c'est pas comme ça là. Pose-lui la question. Là, voilà qu'il a. Donc, il a en foulard comme vous le faites autres. On va se mirer. Hein, là, c'est ami, pose la question. Mon frère, est-il juste que tu puisses garder ton bonnet sur la tête en lisant la parole de Dieu? Il est catholique là, non? Alors, parlant de cela, le temps qu'il trouve son Philippiens. Frère. J'ai trouvé. Oui, attends d'abord, c'est la sœur amie qui a soulevé ça. Merci, sœur amie, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, le frère Jérémy, si par exemple la sœur amie était en train de travailler, c'est pendant qu'on est en train de prier comme ça, n'a pas quelque chose sur la tête couvert, qu'aurais-tu fait? La même chose. Dieu merci. Donc, c'est le reproche dans l'amour. Allons-y. Verset 4, verset 6 et 7. Alors, je crois qu'il y a des coupures d'interférence. Le Seigneur reproche, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ok, tu as la réponse à ta question, frère? Partiellement, ouais, on va dire oui. Ça. Non, il faut que ce soit complet. Pourquoi c'est partiel? Mais en fait, parce que j'estimais, enfin, je sais pas si j'ai raison dans mon raisonnement. En fait, j'estimais que au début de la marche, il est tout à fait normal qu'on demande des choses à Dieu, parce qu'on a besoin que notre foi soit basée sur des choses concrètes. Des choses réelles, des choses palpables. Oui. Et donc, à partir d'un certain moment, j'estimais que, à cause de la maturité qu'on a compris, des choses qu'on a comprises, bien sûr, on pouvait faire façon de ces choses-là. C'est-à-dire que on doit marcher avec le Seigneur sans attendre nécessairement que le Seigneur nous fasse du bien ou autre chose, parce qu'il en fait déjà suffisamment. Et donc, j'estimais que, en tant que Père, puisque Dieu est le Père, Il comprend, il sait ce dont nous avons besoin. Mmh. Et il n'a pas besoin forcément qu'on l'exprime pour qu'il puisse intervenir. Oui. Voilà. C'est comme ça que je concevais les choses. Eh bien, dans ce cas, je pose la question. Si quelqu'un est mature en demande, peut-il prier que Dieu le protège? Si quelqu'un est, En demande, peut-il prier, ou en voyageant, peut-il prier que Dieu le protège? Non, il n'a pas besoin de prier que le Seigneur le protège. Ça, c'est, que le ça c'est très bien. Est-ce qu'il est obligé de prier, chanter le cantique à Dieu pour l'adorer? Puisque c'est Dieu, c'est derrière qu'il adore. Il peut l'adorer, que ce soit par les cantiques ou... Oui, pourquoi? Dans ce cas, puisqu'il est mature, oui, il marche déjà avec Dieu, Dieu connaît déjà que son cœur est totalement à lui. Pourquoi donc doit-il l'adorer encore? Bah, l'adoration, c'est pas pareil que la demande des choses à Dieu. C'est pas pareil. Pourquoi ça, c'est adorer, pas pareil? C'est... Non. Le problème, ce n'est pas au niveau de la prière et de l'adoration. Le problème, c'est du fait que tu dis justement que Dieu sait déjà de quoi il est question, puisqu'il marche avec Dieu. Voilà le point. Le point, c'est que Dieu sait, mm-hmm. Le point, c'est que Dieu sait déjà qu'il est dans le besoin et qu'il doit lui donner automatiquement. Puisque Dieu sait déjà que je vais l'adorer de toute façon. Pourquoi donc encore l'adorer? Tu vois un peu cela? C'est lui qui nous a invités à la prière. C'est lui qui a dit demander. Dans l'une des Jean au chapitre 15, il a dit à ses disciples, il dit que demandez en mon nom et tout vous sera donné. Tout est disposé pour vous demander. Dieu sait effectivement que nous avons besoin de telles choses. C'est pour ça qu'il coopère avec nous. Nous travaillons dans la coopération. D'accord? L'apôtre Paul dira, comme nous avons touché cela, le vœu de mon cœur pour mon peuple, c'est qu'il soit sauvé. Le souhait, ici, le vœu, c'est le souhait de son cœur, c'est qu'il soit sauvé. Il dit que je prie pour vous, demandant chaque fois dans ma prière que Dieu augmente votre foi. C'est pas ce qu'il dit? Oui. Il dit, j'essaie de combattre pour vous dans la prière. Il combat quoi dans la prière? Pourtant, Christ a accompli. Tu vois ça, frère? Oui. Mais frère, je te comprends très bien. Je suis désolé de vouloir entrer en contradiction. Il faut donc que tu entres. Il faut que tu entres jusqu'à ce que la parole que ça soit implémentée. Donc passe, prends le temps pour poser toutes tes questions, d'accord? Ok. Mais quand on regarde par exemple le cas de d'Abraham, on ne voit nulle part où il a fait des demandes à Dieu spécifiques par rapport à tout ce qu'il a acquis. Hein. C'est des choses naturelles que Dieu a données sans nécessairement qu'il ait à demander quoi que ce soit à Dieu. Il connaissait d'abord Dieu avant de les avoir. Ah non. Certainement non. Voilà, mais la Bible déclare que c'est Dieu qui lui a donné, parce que la Bible déclare que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais si tu n'es pas dans le besoin, tu ne demandes pas. Est-ce que Job a demandé à Dieu qu'il avait besoin de quelque chose pour que Dieu le bénisse? Non, non. Regarde par exemple, là où tu te trouves maintenant, tu as connu Christ en quel moment? Il y a... Quand je suis arrivé ici, en fait, au Cameroun, je connaissais le Seigneur, mais j'ai donné ma vie au Seigneur quand je suis arrivé ici. Bon, tu le connaissais, puis tu l'as laissé à côté, pour aller, tu allais le donner. Acceptons donc au Cameroun. Non, je le connaissais partiellement, dans le sens où ma famille était catholique, et puis par après, en venant ici, j'ai... Bon, on va dire de façon sommaire, ça fait combien d'années que tu l'as connu, que tu es avec lui? Depuis 2008, donc à peu près 9 ans, n'est-ce pas? Ouais, donc, prenons donc, avant 2008, quand tu voyageais, qui t'a protégé, frère? Bah, le Seigneur, forcément. Tu vivais dans le péché? Clairement, comme tous les gens de mon âge. Pourquoi t'es protégé-t-il? Peut-être parce qu'il avait un avenir pour moi. Est-ce que tu le priais? Non. Pas vraiment. Voilà. Et quand tu as accepté Jésus-Christ, les trois premières années, tu le priais? Toujours pas. Pourquoi? Donc quand tu dormais, tu dormais, tu ne priais pas? Ben non, à ce moment-là, je découvrais un peu la foi, mais je n'étais pas 100%. Bon, disons les choses droitement. Maintenant, ça fait 9 ans. Tu es mature ou bien tu es encore adolescent dans la foi? Ah, ça je voulais juger, je sais pas. Bon, ok, ou mieux encore, posons la question autrement. Tu continues à prier Dieu pour lui demander des choses, mais tu ne demandes pas. Depuis un moment, j'ai arrêté de faire cette connerie-là. Ok, donc ça veut dire que tu n'as plus de besoin. Non, c'est pas que j'ai pas de besoin, c'est juste que... Tu te dis seulement qu'il connaît. Oui, Dieu connaît, il sait ce dont j'ai besoin, et puis et sachant ce qu'il m'a déjà dit, donc je n'ai pas besoin de forcer les choses, j'attends simplement. Dans le livre des Psaumes 121 et Psaumes 122, il dit qu'on prie pour la paix de Jérusalem. Pourtant, il sait effectivement qu'il doit venir à Jérusalem pour régner. Pourquoi on doit prier pour la paix? C'est une bonne question. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous étions dans le livre d'Ecclésias au chapitre 5. Je crois que j'ai quelques soucis de connexion. Là, il y a une petite interruption de connexion. Nous allons reprendre dans quelques instants. Dans quelques instants. Frère Trabidine, tu es en train de lui démontrer quelque chose là. Oui, en fait, c'était le même principe que je suis en train de lui dire. Je disais simplement là tout à l'heure que c'est la même chose comme un père. Un père avec son fils, quand le père est censé chaque fois donner des choses à son enfant, mais pourquoi son enfant lui demande des choses à voix audible? Notez, c'est bon. Notez ce thème, il faut qu'on se dans la bêche, dans la sainteté, le niveau supérieur dans la prière. D'accord? Je sais pas, avant qu'on ait vu cela, il faut garder-vous à l'esprit, écouter les enseignements concernant la prière par l'esprit. Comme ça, on en parle, on va toucher cela pour qu'on ne va pas dans tous les sens ce soir. Merci le frère Travier, que Dieu te bénisse. Merci particulièrement pour cette question de, concernant le vœu. Que Dieu vraiment te bénisse. Et lorsqu'on va développer cela, Dieu voulant, vous allez voir effectivement que beaucoup de chrétiens pêchent comme ça. Nous pêchons par notre bouche. Et en tout cas, n'en parlons même pas quand nous sommes dans le monde. N'en parlons pas. Donc, nous avions lu tout à l'heure, là, avant que la connexion ne parte, avant que le frère Jérémy ne pose la question. Nous avons lu 1 Samuel chapitre 11, le verset. Le chapitre 1, verset 11, puis le verset 21, où Anne a fait son vœu parce qu'elle avait le problème d'enfantement. Et nous avons emphasé, nous avons amplifié avec le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 31, les deux premiers versets par rapport à la maman de Lémuel. Qui a appelé le miel le roi arabe comme étant l'objet de son vœu. Et j'ai dit, c'est le principe là-bas pour ceux qui souffrent d'une certaine façon. Que vous le vouliez ou pas, vous souhaiterez que quelqu'un fasse quelque chose. Et par conséquent, c'est le moment idéal pour présenter quelque chose à Dieu. Vous avez remarqué que tous ceux qui ont été exaucés de cette façon dans les Saintes Écritures ont été dans une extrémité où ils n'en pouvaient plus, où c'est seulement Dieu qui pouvait entrer en action pour résoudre les problèmes. Et dans ces cas, il pose le problème à Dieu. C'est donc pour cela que Dieu avait fait dans les Saintes Écritures, si vous lisez le livre des Nombres, Lévitique chapitre 22, verset 18, chapitre 22, verset 23 et chapitre 23, verset 38, dans ce livre de Lévitique là, vous allez remarquer que Dieu avait donné le cadre par rapport à l'accomplissement des vœux. Il avait même dit la façon qu'il fallait offrir, ou devait offrir des sacrifices en promesse. Enfin, je crois que quand il y avait vraiment envie de la dérange. Il avait prescrit, donc, il avait donné des prescriptions concernant des offrandes lorsqu'on fait à l'accomplissement des vœux. Donc il y avait des périodes pour cela avec des sacrifices qu'on devait offrir avec cela. Donc c'était quelque chose de connu là-bas, de telle enseigne qu'on ne pouvait faire n'importe quoi avec le vœu. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est justement parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu ni ses principes qu'on veut bafouer n'importe comment. Ecclésiaste dans le chapitre 5, le verset 4 et 5, qu'est-ce que ça dit? Béji dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Qui va lire alors? Lisons rapidement, on continue. C'est pas bon la connaissance. Et d'en faire un. Mieux vaut pour toi. C'est bon? Non, c'est pas bon là. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Oui. Allons-y, ma chérie, c'est bon là. Est-ce qu'elle a... Mieux vaut pour toi ne point faire le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. C'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous avez entendu cela? La conséquence est sur les avoirs, la conséquence est sur nos bien-être, la conséquence est sur nos matériels. Et en tout cas, le principe de Dieu est clair dans ce verset 4 et 5 d'Ecclésias. Je crois que ici c'est aussi clair. N'essaie pas de faire des vœux si tu n'es pas prêt à l'accomplir. Pourquoi pécherais-tu avec ta bouche et comporteras ta chair dans le péché? Et dans ce cas, Dieu détruirait les œuvres de tes mains, l'ouvrage de tes mains, dont ton travail. Beaucoup de personnes ont des blocages dans leur vie comme ça à cause des vœux qu'ils ont fait, n'ont pas fait. Et donc, le Saint-Esprit, un de ces jours comme ça, suscite des questionnements pour résoudre ces personnes spécifiques, de façon spécifique, des problèmes dans la vie des gens. Prenons le livre on a déjà lu Nombre chapitre 30 ici, on a lu Deutéronome 23, on a lu. Allons dans le livre des Juges, voir Juges. Juges chapitre 11. Allô? Vous connaissez l'histoire de. Quelqu'un de parler là? Oui. C'est Emmanuel? Oui. Oui, allons-y. J'ai une question vite fait. Oui. Oui. C'est par rapport au fait quand on dit ne pas faire de vœux si on ne veut pas. Mais dans le cas où on ressent vraiment ce désir et qu'on pense qu'on peut le faire et tout. Mais au moment où on fait le vœu et que. Après, c'est comme si quelque chose t'empêchait de le faire, en fait. Tu dois sauf que le faire. C'est pour ça qu'il faut paramétrer. Alors qu'avant, tu n'avais pas ce problème. Non, mon frère, on parle du Seigneur ici. Quelque chose te poussait à ne pas accomplir ce... On parle du Seigneur ici. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Oui. Vous m'entendez bien, mon frère? Oui, frère. Le frère Emmanuel, toi, tu m'entends? Oui. Voilà. Donc, suppose quoi? Il faut bien comprendre qu'on parle du Seigneur. Donc, le Seigneur, il ne veut pas dire que non, il y a un autre paramètre qui est venu là. Je n'avais pas maîtrisé ces paramètres. C'est pour ça qu'on dit clairement qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire le vœu. Donc, ne dis pas que non, il ne savait pas que l'autre aussi devait faire comme ça. C'est ça qui a fait qu'il n'a compris pas le vœu. Il n'y a pas de justificatif. Si tu ne fais pas de vœu, tu ne pêches pas. Si tu fais le vœu, tu ne pêches pas à condition que tu accomplis tes vœux. Il n'y a pas que c'est parce que j'étais. Mais je ne savais pas que le frère devait arriver chez moi aujourd'hui. L'argent qu'il devait te donner là, je ne te donne plus parce qu'il est arrivé. Ça, c'est ton problème. Donc, le vœu, c'est le vœu. Fin de citation. Juge chapitre 11. Verset 30. Jephthé fit un vœu au Seigneur, il dit... Si vraiment tu me livres les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur et je l'offrirai en holocauste. Alors maintenant, vous voyez ce que celui-ci a fait. Au lieu même de dire que si Dieu lui donne les Ammonites, il va faire même 40 jours de jeûne avec tout Israël, pour que ça leur permette même de tuer leur chair pour pouvoir se consacrer au jeûne et à la prière. Il dit, quiconque viendra à ma rencontre lors de la retour de la victoire, je le consacrerai en sacrifice, en holocauste à l'Éternel. Versets 39 et 40. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Attends. Vous connaissez ce qui s'est passé à l'issue de ces de vœux de Jephthé, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa fille qui est sortie à sa rencontre. Voilà. Emmanuel Yoba, parlons de tes paramètres. Tu vois effectivement que Jephthé a essayé de sortir le facteur de faire un paramètre. Si vous lisez, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire Juge chapitre 11. Vous voyez effectivement que monsieur Jephthé a fait le vœu à Dieu. Il croyait peut-être que pour Dieu c'était difficile de lui livrer les Ammonites. Quand il a livré les Ammonites, il était content. Mais il a oublié le vœu qu'il avait fait. Et. Là, à un moment donné, quand il voit sa fille sortir, c'est la seule fille qu'il est. Et souvenez-vous, elle, il est l'enfant d'une prostituée, Jephthé lui. Donc, l'enfant d'une prostituée qui a une de ses filles seulement. Et il fait le vœu. Dieu était resté tranquille. Si ce prophète seulement dit, Seigneur, souviens-toi d'Israël, ton peuple, et ne livre pas ton héritage à ces incirconcis. Donne-nous, ô Dieu, la victoire et nous te célébrerons pendant 40 jours. Dieu dit, waouh, quel objet d'adoration. Vous voyez cela? Il livre les ammonites. Mais le monsieur porte sa bouche. Il ne maîtrise pas les paramètres. Il cite ce qu'il va faire. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il faut bien mesurer bien ce qu'on a à dire. D'accord? Alors il dit que si tu me livres les ammonites, toute personne qui va venir va te les consacrer. Il croit peut-être que c'est l'enfant du voisin à gauche là qui le dérange souvent qui va sortir. C'est ça. Frère Junior. Oui. Mais il dit, pourquoi ce problème-là, je commence à comprendre. Pourquoi quand il s'agit de vraiment sortir une parole pour adresser au Seigneur, une promesse, oui, on choisit les choses même qui sont impossibles à accomplir. Je pense que souvent, on veut flatter Dieu ou on pense qu'il ne comprend pas, ou bien c'est parce qu'on veut le convaincre pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Ça me fait rappeler des paroles que j'ai dit au Seigneur. Moi-même, ça m'a choqué après. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je dis? Bien, je dis des paroles même qui sont tellement, où c'est difficile même pour mettre en pratique. Tu as dit à Dieu que tu donnes, si tu donnes le Saint-Esprit, tu vas gêner pendant 100 jours sans manger, sans boire. Tu as dit ça, hein? Tante, c'est que tu vas mourir avec ton Saint-Esprit, tu vas voir. Faut toujours faire les vœux. En tout cas, vous voyez ce que Jephthé a eu ici, non? Oui. On peut continuer, frère. Proverbe chapitre 6. Non, prenons le chapitre 20. Prenons le chapitre 20. Le verset 25. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 25. Rapidement, on lit et on va dans le principe pour que vous voyez cette chose-là. C'est un piège pour l'être humain que de dire à la légère. C'est sacré. Et de réfléchir après avoir fait des vœux. Explique-nous ce que tu viens de lire, mon cher frère. Que faire des promesses à la légère, c'est un piège. En quoi est-ce que la personne est piégée, d'après ce que vous venez de lire là? Parce qu'après, elle ne sait plus, elle se rend compte qu'elle ne peut pas réaliser exactement ce qu'elle a dit. Mmh. Et elle ne peut plus revenir en arrière sur ses paroles. Vous pensez, pourquoi est-ce que Dieu insiste beaucoup plus sur le vœu comme ça? Pourquoi, selon vous? C'est sacré. Oui. Il veut nous mettre dans l'obéissance à ce que nous disons. Oui. Parce qu'une chose est de dire et puis une chose est de faire. Oui. Alors, vous voyez, effectivement, il y a une partie de Dieu. En tout cas, comme j'ai dit dans l'entame de mes propos ici, tout vœu et tout semence fait sur la terre engage Dieu automatiquement. De telle enseigne que si vous demandez à l'esprit de sceller quelque chose, la Bible déclare, comme on a lu dans le livre d'Ecclésiastes chapitre 4, versets 5 et 6, que pourquoi feras-tu que Dieu détruit les œuvres de tes mains? Parce que Dieu n'aime pas les gens qui agissent comme ça de façon insensée. Parce que vous l'invitez à la réunion, que je m'engage à faire ceci, et s'entend à ce que vous fassiez comme vous avez dit, et vous faites autre chose. Dieu est le Dieu de l'alliance. En tant que donc son peuple, c'est là où ça devient intéressant maintenant. En tant que son peuple, nous devions faire comme lui. Quelqu'un qui respecte ses engagements. Ça fait partie donc de l'intégrité. Le vœu. L'accomplissement d'un vœu fait. Alors, allons-y dans le livre de Psaume chapitre 15. Merci Père. Psaume 15. Regardez ça. Verset 4, lisons à partir du verset, c'est 5 versets, lisons à partir du verset 1, mais le verset 4 va nous en parler. Allons-y, qui va lire donc? Je le lis. Alors, 15, verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Non, lis, parce que là, ça, quand on lit, si on nous écoute et qu'on ne lit pas la, pas la Bible, ça va être. C'est 5 versets seulement. Lis les 5 versets, mais c'est que c'est le verset 4 qui va nous animer. Verset 4. Commence au verset 1. Commence au 1, ma sœur. Ok. Alors, somme de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Voilà. Amen. Donc le verset 4 encore dit quoi? La partie B, enfin, c'est la partie B qui nous intéresse du verset 4. Allons-y en commençant. Mais il honore, il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Voilà. Donc, et la Bible a donné des différents aspects de la vie de quelqu'un qui séjournerait dans sa tente pour montrer comment la personne est intègre. Donc, quand il dit quelque chose à son serment, il respecte ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est un peu comme le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez par exemple un de ces jours. Et on va sur le plan spirituel. Dieu dit par exemple qu'il n'avait pas dit à Jésus qu'il sauve les gens du monde. Où seraient tous les chrétiens? Qu'il avait seulement fait l'erreur. Que non, ce qu'il avait dit là, il ne pensait vraiment pas. Vous pensez où on s'en sortirait, frère? Ou bien que si le Seigneur dit par exemple dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur finit de dire cela, il dit que je reviendrai me chercher. Tu dis, oh, le Seigneur viendra me chercher. Tu t'arranges à être prêt. Après, il dit que non. En tout cas, la place n'était pas suffisante. Vous me voyez que j'ai des déceptions, on aura le choix. Alors, la Bible nous déclare qu'il nous donne les arts de l'esprit, les accords. Pour ceux qui font l'accord, la comptabilité, comprennent bien le mot. Il nous donne une avance. Sur notre compte, pour ce qui nous concerne là-bas, pour nous montrer qu'il est c'est sûr et certain qu'il viendra nous chercher. D'accord? Et ses paroles sont dignes de foi. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre encore là? On a lu le cas de Jephthé. Notez le livre de Juges, chapitre 9. Josué, chapitre 9. Et puis je vais expliquer. Je crois qu'il faut qu'on lise le point. Notez Josué, chapitre 9. Vous allez lire effectivement ce qui s'est passé. Mais c'est mieux qu'on y va. On lit quelques versets. Joshua. Je vais lire, d'accord? Vous vous suivez dans votre Bible. La Bible déclare, vous y êtes déjà? Est-ce que la sœur Odile est encore là aujourd'hui? Je n'entends plus. Elle est où? Joshua, Belgique. La sœur Odile. Alors, verset 1 et suivant, c'est 24 versets. Courage, ma soeur. Oui. Je suis là. Excusez-moi, c'est que ma connexion, dès que je me déplace, comme je n'ai pas envie de rater ça, je reste vraiment tranquille, mais je suis là. Oui, tu as la connexion à l'africaine. La Bible dit à partir du verset 1, voilà. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Éthiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, gardez-vous à l'esprit la partie de verset 3, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Aï, eurent recours à la ruse et se mis en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchiré et recousu. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allaient auprès de Josué, au camp de Gilgal, et ils lui dirent, écoutez très attentivement, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, Nous venons d'un pays éloigné et maintenant, faites alliance avec nous. Veuillez souligner, faites alliance avec nous. Le groupe de mots, faites alliance avec nous parce qu'on va parler de cela. Voilà. Et maintenant, faites alliance, c'est quand même terrible comme désobéissance. Faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Il dit à Josué. Souvenez-vous, Josué est prophète. Nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous le direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Écoutez maintenant verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivaient à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Kephira, Beheroth et Kijajarim. Ils ne les frappaient point, écoutez bien, ils ne les frappaient point. Parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Ainsi, comment nous les traiterions? Nous les traiterons. Nous les laisserons à la vie afin de ne pas attirer. Écoutez bien, nous les laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère d'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Soulignez, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dit les chefs, mais ils furent employés à couper du bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Écoutez bien, pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous sommes très éloignés de vous tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Et répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres. Ça c'est pour le cas, le frère Emmanuel, voilà le paramètre. Il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, ton serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les fit pas mourir. Mais il est destiné dès ces jours à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore jusqu'aujourd'hui. Pas jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui que je lis, aujourd'hui le jour qu'on lisait, on écrivait le livre de Josué. Maintenant, écoutez très attentivement. Cette erreur-ci dans les Saintes Écritures commises là sont faites pour nous donner les enseignements. Et on en trouve des enseignements. Du côté des Gabaonites, ils ont agi en ruse, par ruse, comme on l'a vu dans le départ que le Saint-Esprit nous a présenté. Mais la Bible nous montre clairement qu'ils ont dit le pourquoi, parce qu'ils comprenaient effectivement qu'aucun pays ne parvient pas à résister à Israël. Ils ont dit qu'il faut emboîter le pas à Israël, trouver une procédure pour pouvoir faire la paix avec eux. Mais Dieu avait demandé de ne pas faire alliance avec le peuple sans le consulter. De l'autre côté, du côté d'Israël, la Bible déclare qu'il fit alliance avec le peuple sans consulter l'Éternel. Vous voyez? Donc, petit à petit, les enseignements commencent à se poindre à l'horizon, nous montrant clairement que ce n'est pas bon d'aller dans une alliance sans nous consulter. Dans le livre de Jérémie, enfin, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, et le chapitre 33, la Bible déclare que malheur à ceux qui prennent des résolutions, qui descendent en Égypte sans consulter l'Éternel. Vous voyez, mais quand Jésus sera poursuivi par Hérode, le roi Hérode le Grand, pour pouvoir tuer, c'est l'ange qui vient dire à Joseph, descends et va en Égypte. Et demeure jusqu'à ce qu'ils se fassent monter. Vous voyez, l'Égypte où Dieu refuse aux gens d'aller, c'est lui qui envoie les enfants, son enfant là-bas. Sur le roi d'Absalom, enfin, sur le roi Roboam, quand Roboam va mélanger, mais quoi, mais, quand Salomon va menacer Jéroboam, il y a un écho chez le frère Trabi là. Quand Jéroboam sera, il était l'un des généraux de Salomon, quand, avec sa renommée et sa puissance, il va fuir pour aller se réfugier sous la houlette de l'Égypte. Mais quand Salomon va mourir et que Roboam, le fils de Salomon, va régner, il va remonter en Égypte, quoi, de l'Égypte là-bas. Mais pourtant, en allant en Égypte, il avait une prophétie que le roi Ikeja lui, enfin, le prophète Ikeja lui avait donné 10 parts de son manteau. Vous pouvez lire ça dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, chapitre 10, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez effectivement qu'il est rentré de l'Égypte avec son manteau, avec cette onction et allait au pouvoir. Mais Dieu lui dit dans la Bible, malheur à ceux qui descendent en Égypte sans son consentement, sans son secours, ou même sans consulter son, quoi, ce qu'il a à penser. Mais regardez bien la part des choses. Maintenant, Josué devrait ni un Israélien ne devait pas toucher un Gabonais. Si vous lisez dans le livre de Jérémie, vous allez voir effectivement que l'un des prophètes, ils ont vécu au milieu d'Israël. Ils travaillaient dans le temple de l'Éternel au point où certaines personnes parmi ce peuple-là commençaient à avoir des fausses prophéties. Il y a des prophètes parmi eux, le prophète de Gabon. Vous allez lire le livre de Jérémie, vous allez le trouver. Il est venu confronter Jérémie dans le temple au point où il était plus vrai que Jérémie qui était le vrai prophète. C'est terrible. Pourquoi? Parce que on les avait donné la malédiction de rester au milieu de l'été, quoi, des peuples juifs et de servir comme esclaves. Maintenant, dans le fil du temps, 700 ans plus tard, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont commencer à avoir des prophètes parmi eux pour créer la zizanie. Le point, c'est ceci. Si vous lisez dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir que ce même peuple-ci, vous lisez 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, puis 2 Samuel, parce que l'une des exactions se trouve dans 1 Samuel et l'autre se trouve dans 2 Samuel. Vous remarquez que sous le roi Saül, cet homme-ci, ces gens-ci, ces Gabonais-ci seront détruits par Saül. Il s'en fout des serments, Saül. N'est-ce pas, frère? Il s'en fout des serments. Quand il va tuer, remarquez très attentivement que Dieu ne doit pas demander à Samuel. À Saül. Allons dans le livre de Samuel. C'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Samuel. Allons-y dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. On y va. Verset 1 à 4, puis le verset 9. Verset 1 à 4, puis enfin, prenons le verset 1 jusqu'à verset 9. Allons-y, qui va lire? Je lis. Alors, 2 Samuel 21, je lis. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point dans, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation ?» afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un à Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître, de tout le territoire d'Israël. On nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Stoppons là-bas. Donc, on voit effectivement que pour résoudre un problème qui a été causé par le serment, il ne fallait pas faire la faute aussi avec le même serment qu'on avait commis. Vous voyez les problèmes dans les Saintes Écritures? Parce que sous les yeux 1 Samuel, il y avait un serment entre David et Jonathan. La Bible déclare qu'il s'aimait plus que l'amour que Jonathan avait pour David et les uns les autres. C'était plus fort que l'amour que la femme. Pas les homosexuels aujourd'hui qui disent que non, David était homosexuel en prenant ces passages-là. Donc, ils avaient des alliances qu'ils avaient faites. Il avait fait le serment d'épargner ses fils. Et l'un de ses fils, donc, c'est Mephibosheth. Maintenant, pour résoudre le problème des serments que Saül a causé, on a demandé 7 fils pour pouvoir prendre afin que la bénédiction vienne sur Israël. Je vais m'étaler sur ça maintenant. Il dit effectivement qu'il ne livrera pas Mephibosheth. Oh, oh, parler de la Bible. Donc, regardez-moi attentivement. Allons-y vraiment doucement. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai dit, je crois qu'à l'issue de ceci, il faut qu'on prie d'une certaine façon. Remarquez bien, vous lisez le livre des juges, le livre de Samuel vient avant juge, parce que Samuel c'est le premier roi, prophète juge d'Israël. Maintenant, après lui, après le prophète Samuel, remarquez très attentivement que beaucoup de rois vont venir, beaucoup de juifs vont venir en Israël. Regardez le temps qui traverse depuis le temps de Saul. Je veux que vous voyez cela. Depuis le temps des prophètes Josué. Parce que Josué, il vient de sortir tout juste en Égypte. Et puis là, il s'implémente en Israël, dans le territoire de Canaan. Et là, après, il y aura Jephthé, après, il y aura les Jephthé, comme on a lu là, Gédéon, il y aura tous les autres, Oni, tous les autres, jusqu'à ce qu'on sorte du livre des juges. Et par la suite, maintenant, on va venir intercéder, on va donner le prophète Samuel. Le prophète Samuel vient, il y a Saül. Je vais vous montrer quelque chose. La génération d'Israël qui a fait le vœu n'a rien à voir avec la génération d'Israël qui a tué les Gabonites nouvellement. Donc ceux qui avaient fait le vœu étaient longtemps en arrière, on peut dire 500 ans en arrière. On avait fait un vœu que nous ne toucherons pas nous. Quand il dit nous, ça engage Israël. Ça n'engage pas la personne, des personnes qui vivent là. Je veux que vous compreniez le principe. Donc, si par exemple je dis, moi et ma descendance, sortez là-bas, soyez saints comme vous voulez. Ça vous a engagé parce que vous êtes de ma descendance. En vertu du fait que vous êtes de ma descendance. Vous avez vu ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc voici Israël. Josué va faire l'alliance. Ce que nous sommes de lire dans ce 1 Samuel là, dans ce 2 Samuel là, Josué est mort depuis longtemps, de fort longtemps. Les enfants d'Israël qui avaient fait le vœu avec Gabonites là sont pas morts depuis. Les Gabonites qui étaient venus pour faire les choses, les premiers Gabonites qui étaient là au milieu d'Israël, qu'on les a maudits là-bas, ne sont plus là depuis. Mais le vrai problème, c'est que dans le monde spirituel, le vœu et les conclusions de cette alliance là restent et demeurent. Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas, frère? Vous voyez cela? C'est terrible. Alors, maintenant, nous nous trouvons maintenant ici. La famine entre en exergue. C'est là où vous voyez que Dieu insiste là-dessus. La famille entre en exergue. Prend la scène. La Bible déclare que David cherchait la face de Dieu. Donc, il veut chercher quelle est la cause de ces choses-ci. Donc, vous voyez que dans certains prix, je crois que dans prenez votre vie spirituelle en main, j'en ai parlé de cet état-ci. Il faut chercher quelles sont les causes des problèmes. Très souvent, vous dites, ah non, non, moi, je suis en crise. Les choses, et puis les mêmes choses qui arrivent dans le même membre de ta famille, ça vous arrive, vous voyez effectivement que ça, c'est dans votre vie. Il faut véritablement être en crise. Si vous n'êtes pas en crise, débrouillez-vous avec les Saintes Écritures. Alors maintenant, vous voyez, quand vous êtes là, vous observez. David insiste devant le Seigneur, il insiste. Le Seigneur révèle la cause. Maintenant, David, en tant que roi, n'a pas dit que, comme il y a la famine là, il faut qu'on trouve les techniques égyptiennes pour pouvoir faire l'irrigation afin que la sécheresse produise les mille. Il faut qu'on fasse comme Joseph avait fait. L'application, Joseph avait fait comment? Vous voyez là, n'est-ce pas? Pour le cas de Joseph, c'est un autre cas. C'était la famine. Mais la solution est autre. Pour le cas de sur Abimelech, la famine qui était sur Abraham, le Abimelech 1, c'est un style de famine dont la solution est autre. Pour le cas de Abimelech 2, sur le prophète Isaac, c'est une autre famine et la solution est autre. Pour le cadre des Égyptiens, c'est autre chose. Pour le cadre d'Israël, et c'est la famine ici, c'est autre chose. Pour le cadre sur Claude avec Agabus qui a profité dans Actes des Apôtres chapitre 21, c'est encore autre chose. Donc, un problème, une solution. Pas une solution généralisée. Maintenant, David avait lu dans la Bible, dans le livre de Joseph, dans le livre de Bereshit, il dit, quand il y avait la famine sur la terre, Joseph avait dit que non, il faut qu'on sème, on garde un tiers. Ça ne l'aurait jamais laissé. Parce que cette famine, ce n'est pas causé par ce qui avait causé par la volonté de Dieu que Dieu appelait la famine sur la terre pour pouvoir traiter les yeux égyptiens, afin qu'on puisse haïr son peuple. Il y a un autre plan derrière la famine qui est là-bas. C'est afin que Israël vienne demeurer en Israël pour que sa parole qu'il avait dit au chapitre 15, qu'ils vont descendre en Égypte et seront esclaves pour que ça s'accomplisse. C'est autre chose. Ici, il s'agit donc de la malédiction. Il y a une alliance qui a été perpétrée. Mais je veux que vous voyez une chose. Saül, qui a détruit, on dit que pas à cause de son zèle excessif pour le peuple d'Israël. Il a frappé les Gabonais. Il s'en fout de ce que le prophète avait dit, les engagements qu'il avait pris. Fous-moi le camp avec cela. Et c'est moi qui, quand on fait ça, j'étais là. Il n'y a pas de problème. Mais je veux que vous voyez une chose. Dieu n'a pas frappé du temps de Saül non plus. Vous avez remarqué cela? Voici quelqu'un qui hérite du trône. Il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'est sous lui que la famine vient. C'est tellement violent que le roi dit, mais y a-t-il un péché en nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous voyez que quand le roi prend un engagement, il engage tout le pays. C'est pour ça que la majorité de nos rois mondains que nous avons aujourd'hui là maintenant sont sous la coupe de Satan. Parce qu'il livre tout le pays à la femme. Quand vous voyez un roi, quand on le nomme, quand il vole, suivez mon regard, il part dans le temple de franc-maçonnerie, il vient, on ne le reçoit pas là-bas en tant qu'individu. On le reçoit en tant que chef de l'État ou bien président de la République. Et parce que quand il est là, il représente tout le peuple. Par conséquent, quand il se prosterne devant Lucifer, il amène comme ça son peuple devant Lucifer. Pas étonnant que Dieu nous demande de prier pour les grands afin qu'on nous donne qu'on puisse vivre selon qu'il doit, comment on va vivre. C'est terrible. Savez-vous que quand votre président ou bien votre chef d'État va devant les homosexuels, quand il se prosterne, imaginez même le luxembourgeois qui couche avec les hommes, le premier ministre luxembourgeois. Donc, quand il fait cet acte-là, ils engagent tous les démons de l'homosexualité à Luxembourg. Regardez là où on se retrouve. Donc, quand Saül a détruit les Gabonais ici, il a mis tout Israël. Quand la famine frappait en Israël, tout le monde subissait. Même les gens qui n'étaient même pas au courant de ce que Saül avait fait. Déjà que ce n'est pas sous Saül que ça est arrivé. C'est arrivé sous David. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit est venu se présenter, il a dit que c'est à cause de la maison sanguinaire. La question c'est, pourquoi Dieu n'a-t-il pas puni l'iniquité de Saül sous sa maison? Il vient punir ça sous David. Donc, nous pouvons faire des vœux, nous désengager, prendre ça à la dérision, mais la sanction dépend de Dieu. Ce n'est pas automatique. Dieu peut frapper ton enfant. Vous pouvez avoir un enfant, l'enfant tombe aveugle. Vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que c'est un vœu que ton arrière-grand-père avait fait. Où on en est, frère? Puisse Dieu vraiment nous déconnecter du monde des ténèbres véritablement et nous faire passer dans la lumière. Quand vous comprenez toutes ces choses, vous voyez que la seule et unique façon de faire, c'est de protéger, c'est que vous soyez rempli du Saint-Esprit, de baptiser dans le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas comme ça, là, vous allez continuer à voir que vous avez des filles chaque fois que vous avez des parts et d'autres comme ça, là, attachés sur vous, avec le passé. Alors regardez donc, vous voyez, dans ce livre de 2 Samuel chapitre 21, il y a beaucoup de ramifications à travailler là-bas. David vient subir une conséquence, ou mieux encore, l'État d'Israël vient subir une conséquence sous David, alors que ce n'est pas eux qui ont commis le crime. La personne qui a commis le crime l'a commise depuis, et puis il est parti sans problème. Maintenant, voilà ces petits-enfants qui devaient payer. Parce que la conséquence a été sur le pays. Maintenant, comment faire pour résoudre le problème? Il fallait que ces petits-enfants payent. Maintenant, vous dites, non, je suis le fils du roi. Je suis le fils du roi. Vous savez ce que votre père a fait? Vous connaissez les engagements que votre père a fait? Imaginez par exemple que vous avez un père qui est roi, bien votre mari, un chef d'État quelque part. Vous dites, non, je suis content, nous sommes les plus grands, les puissants. J'ai une relation avec le chef d'État. Et que le chef d'État, en tuant l'une des personnes, la personne en mourant dans le sang, dit que Seigneur, jusqu'à la troisième génération, que ce sang-ci ne soit jamais, ne manque jamais. Le cri de son sang va répondre. Vous savez cela? Et puis vous sortez là, vous dites que non, ici le chef d'État, mon père m'a laissé les comptes en banque. Attends, quand la mort va venir, les comptes en banque vont être sauvés, on va voir. Vous voyez que le recours, c'est devant le Seigneur. Le recours, c'est devant le Seigneur. Et donc, voilà le roi Saül qui est venu. Il était puissant en Israël, puissant. Il est mort, il a quitté la scène. Ses enfants croyaient que tout était bon. Jusque-là, tout était calme pour eux. Tout était calme pour eux. Jusqu'à ce que le dossier de vœux non respectés soit ouvert devant le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il dit bien, tout était calme pour eux. Jusqu'à ce que le dossier de vœux non respectés, c'était le moment de punir. Si vous lisez le livre de 1 Samuel également, chapitre 15, lorsque Samuel va être envoyé devant Saül pour aller frapper les Amalécites. Une fois de plus, Dieu dit que va, je frappe Amalek. Dévoue pour interdire tout ce qui lui appartient. Homme, enfant, nourrisson, femme enceinte, bête ou quoi que ce soit. Je me souviens lors du passage de mon peuple d'Israël, comment ils ont barré le passage. Vous posez la question, est-ce que le peuple qui est là avait barré le passage à Amalek? Non, personne n'était là. Mais il dit quand même que va les frapper. Vous restez seul dans le pays, comme ça vous allez chanter, Owasse, Owasse, Owasse, Owasse, on entre sur vous avec les pieds. Quel est le problème? Il dit que vous nous avez basé le passage. C'est la sorcellerie ou quoi? On a barré le passage ou? Ce sont ces entraînements qui ont fait, voilà ça sur eux. Vous voyez, on se retrouve. Donc quand vous entendez Dieu dire par exemple aux Juifs, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, chapitre 18 et 19, il dit que lorsque vous serez entré dans le pays, faites attention que le, écoutez bien, écoutez, que le pays ne vous vomisse. Parce que ce sont les choses que le peuple là ont fait et le pays les a vomis. Donc, quand vous faites des choses, les anéries qu'on fait, toutes les homosexualités qu'on fait dans le pays, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi on doit faire l'intention dans nos pays. Parce que la terre crie, le sang crie. Quand Caïn a tué son frère, la Bible déclare que la voix de son sang crie et s'est montée jusqu'à lui. Les meurtres qu'on fait, par exemple, on a des dormis, on a des travaillés. Maintenant, il y a des gens qui font le meurtre quelque part en bord du l'eau. Chez vous, chaque fois, on dit qu'on a trouvé des corps par-ci, on a trouvé des corps par-là. Au Gabon, le sacrifice rituel, les crimes rituels partout, au Cameroun, partout, en Côte d'Ivoire, dans les forêts. Comme par exemple, dans les forêts de Côte d'Ivoire, qu'on a fait, on a pris des marabouts, un grand tas de marabouts pour aller dans une forêt pour aller faire des sacrifices pour calmer. Ha, vous parlez de calme. Attendez, ça revient. Vous voyez le calme apparent qui est là-bas, à cause des choses. On a pris des innocents pour aller sacrifier, pour pouvoir faire des sacrifices dans la forêt. Attends que le sang de ces sacrifices, de ces sacrifiés là aussi, crie. Ça va venir. La vengeance pour le sang va venir et le démon qui était là initialement va encore venir. Où est-ce qu'on se retrouvera en Côte d'Ivoire? Maintenant, regardez. Alors, lorsque les gens, Dieu dit dans celui de Deutéronome, le Lévitique chapitre 19, verset 28 et suivant, il dit que lorsque vous rentrez dans le pays, gardez-vous de commettre des choses, les astuces qu'on ne trouve pas chez toi. C'est ces choses que les habitants ont fait dans le pays et que le pays, gardez bien cela, le pays les a vomis. C'est le pays qui les a vomis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, la nation là où vous habitez, quand vous commettez le péché, vous faites des choses là-bas à l'intérieur, ça vous détruit. Si quelqu'un vient là-bas, les mêmes esprits qui poussaient les gens à faire cela seront toujours là. Et ça va prendre encore la population pour faire la même chose. Dieu interdit ça dans au milieu de son peuple. Il y a tellement de choses à dire ici, avant que je m'éloigne aujourd'hui. Alors, la quintessence de cela, c'est qu'il faut qu'on observe bien le vœu. Et qu'on s'observe bien si on ne sort pas d'une famille des gens qui ne respectent pas les vœux. Parce que ces choses-là, et comme on a le voir ici, on voit que Dieu peut frapper. Comme on a lu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4 à 5. Toutes ces choses-là. Je peux avancer. Mais frère, oui. Avec tout ce que tu étais en train d'expliquer, c'est à partir d'où que Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13 s'accomplit. C'est pour ça qu'il faut être en Christ. Voilà. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, effectivement, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » À quel moment il a rendu, frère? Pardon? À quel moment il a fait? Dans ce livre de Colossiens chapitre 1, verset 12 dont je suis en train de parler. C'est pour ça qu'il dit dans mes propos que la seule façon d'éviter ceci, c'est que vous ayez le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit vous met totalement au large. Totalement au large. Puisque la Bible déclare que l'Esprit, les arts de l'Esprit, c'est un engagement que Dieu a pris que vous serez pour lui quand il viendra tôt ou tard. Mais s'il ne t'a pas encore donné, tu es où? Mais juste à la sainteté, vous taisez maintenant avant que la connaissance se coupe. Ou bien vous voulez couper la connaissance. Répondez-moi. La Bible déclare que le Saint-Esprit que Dieu donne, c'est les arts de l'Esprit. C'est-à-dire qu'un accord. Il vous donne une partie, un peu comme vous voyez une marchandise dans un magasin. Vous avancez. Quand vous avancez, on prend cette marchandise, on met de côté pour montrer que vous viendrez compléter pour prendre la marchandise. Il y a votre estampille là-dessus. Maintenant, vous voyez un magasin, vous voyez un vêtement là. Vous dites, la sœur, quoi, Clodon dit à la sœur, quoi, même à la sœur Odile. La sœur Odile, tu vois, cette marque d'habit, il me plaît beaucoup, oui. Je m'en vais chercher l'argent pour venir prendre. Parce que comme le magasin t'aime beaucoup, là, on va laisser ça là-bas affiché. Et puis quelqu'un d'autre vient et dit waouh, c'est combien? On dit 40 euros. Il donne 40 euros. Le magasinier va prendre ou ne va pas prendre, frère? Il va prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie sur cela, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, quelqu'un sera malhonnête si tu lui donnes une avance pour dire que tu en es allé pour revenir prendre. Et qu'il prend cette avance et qu'il dit ah, il y a quelqu'un qui est venu, il a donné plus d'argent et puis voici votre argent. Vous voyez? Ce serait vraiment malhonnête. Voilà. Mais, alors, donc, oui, effectivement, que si vous avez la compte de l'esprit, les arts de l'esprit, comme la Bible déclare, si vous êtes sûr que vous êtes délivré de ces choses-là. Maintenant, je vous donne un exemple encore une fois de plus. Cet apôtre Paul qui parle, là, dans ce livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans. Il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens, enfin, dans le livre des Colossiens, je vais vraiment vite. Vous permettez qu'il prenne un coup d'eau, n'est-ce pas? Je crois que ça va bien calmer là-bas, un bout d'eau. Voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22. Si vous lisez le verset 12 jusqu'au verset 16 et au chapitre 26 également, vous remarquez que lorsque Paul, l'apôtre, a fait son apologie par rapport à son témoignage, il dit que quand le Seigneur lui a apparu, il a dit à Agabus que cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi, qu'il est censé aller ouvrir les yeux aux aveugles, n'est-ce pas mes frères, pour les faire passer de la lumière, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Alors maintenant, Christ a tout accompli à la croix. Qu'est-ce que Paul est censé faire? Pourtant, on dit que Christ l'a fait. Donc, faisons attention. En tout cas, si vous voulez, comme je le dis souvent, prenez la Bible. Si quelqu'un est une nouvelle créature, je suis encore une nouvelle créature, récite. Quand le fonctionnement de l'ancienne créature va se présenter à l'horizon, tu sauras que tu n'es pas encore. Il n'est pas question de toi là-bas. Voilà. Donc, il est question d'aller dans les Saintes Écritures, te regarder dans le bon miroir et savoir de quoi il est question. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est catholique, appelé les protestants, appelé les pentecôtistes, appelé les ici. Un de ces jours, il me donne la Bible, il connaît ensemble, il dit les catholiques sont faux, les pentecôtistes, tout ça c'est la sorcellerie. Il dit maintenant, je ne suis plus catholique. Après, il me lit la Bible, il dit je suis une nouvelle créature, je suis le Fils de Dieu, tu parles. Tout ce que tu as bu là-bas, tu as vomi. Donc, vous voyez effectivement qu'il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage. Avoir accès aux renseignements bibliques dans la vérité ne fait pas que cette vérité soit implémentée et vraie pour toi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Connaître la vérité telle que c'est écrit là-bas ne veut pas dire que c'est vrai pour toi. Vous pouvez lire la Bible, avoir la sensation bouger jusqu'à ce que votre corps bouge dedans plus que le coq, mais ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, il est question, c'est la question oui ou non, c'est est-ce que c'est vrai pour toi? Il n'est pas question du renseignement. Est-ce que le renseignement dont on parle là-bas, c'est vrai? Le renseignement est vrai, clair, mais est-ce que c'est pour toi? C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Es-tu en Christ ou mieux? La Bible déclare, nous savons qu'il est en nous et que nous demeurons en lui en ce qu'il nous a donné de son esprit. La question c'est, t'a-t-il donné l'esprit, oui ou non? Si c'est oui, tu es en Christ. Si c'est non, alors tu es avec le Gabaonique. Berger de la sainteté, bonsoir. Berger de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Mmh. Bonsoir. Donc nous voyons qu'il faut qu'on fasse attention avec nos vœux, n'est-ce pas? Donc, alors, en résumé, avant que nous ne sortions maintenant, le bon côté du vœu, c'est que le vœu, l'aspect bon de cela, nous met en relation étroit avec le Seigneur, nous pousse à davantage marcher dans l'intégrité. Parce que d'après ce que nous avons lu dans le livre de Psaume chapitre 15, verset 4, que cette personne, ce qui séjournera, dans le temple de Dieu, dans la maison de l'Éternel, il ne se rétracte point sur faire un serment. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'intègre qui dit, quand il dit une parole, il doit l'accomplir. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 20, au chapitre 5, la Bible déclare que ne jurez ni par le Seigneur, ni par ceci, ni par quoi que ce soit, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que si il dit, la soeur amie, je vais venir vers toi demain. D'accord? C'est pour cela que vous voyez effectivement qu'on a bien compris ces choses. C'est pour ça qu'on dit que s'il plaît à Dieu. Parce que vous pouvez dire autre chose maintenant, Dieu veut autrement. Pour se cacher maintenant, pour ne pas être attaché, on dit, ma soeur, on se voit demain, s'il plaît à Dieu. Demain, les engagements te prennent dans ce sens. Oui, effectivement, vous n'êtes pas trop attaché. Parce que s'il plaît à Dieu, Dieu a voulu que ce soit autrement. On balance le vœu là sur Dieu. Alors, dans le livre de Jacques, dans chapitre 5, il dit que votre oui soit oui, soit votre non soit non. Mais le Seigneur Jésus a dit effectivement lui-même dans le livre de Matthieu que ne jurez ni par le ciel. Parce que normalement, le vœu est un engagement. Grave encore, lorsqu'on lève la main encore pour jurer. C'est pour cela que le Seigneur, connaissant ces choses, a empêché les gens de jurer. Mais pourtant, vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé que vous jurerez par le nom de l'Éternel. Ça veut dire que c'était pour mettre dans l'esprit des gens que vous appelez comme ça Dieu dans l'engagement. Vous avez intérêt à faire la vérité, à dire la vérité, à vivre la vérité. Mais maintenant, la Bible déclare que vous n'avez même pas encore ouvert la bouche qui connaît tout ce qui est dans ta bouche. Donc, vous voyez que la révélation est augmentée. Et maintenant, si tu dis maintenant que ma soeur amie, telle chose va arriver et que je vais faire telle chose, et que si je ne le fais pas, je viens de pécher devant le Seigneur, même si personne n'avait écouté en dehors de moi et toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Alors, je t'en ai dit que le bon côté de la chose, c'est que ça nous pousse à être plus responsables vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Ça veut dire que notre intégrité sera vue devant les hommes. Quand vous allez faire quelque chose avec les hommes, quand vous donnez votre parole à quelqu'un que je vais faire telle chose, vous venez faire. Je serai avec vous demain, je vais te donner telle chose et vous le donnez. Les personnes commencent à témoigner que mais cette personne-ci, il ne se déroge pas de sa parole. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Tel qu'on a vu dans le psaume. Et Dieu, effectivement, aime ceux qui nous font le vœu et le fassent. Vous voyez, effectivement, que votre vie spirituelle va être profanée et sera bien. Donc, par conséquent, ça vous responsabilise dans le sens de l'intégrité. Les vœux accomplis. Donc, prendre un vœu ou bien un engagement, c'est bien. Parce que ça vous pousse dans la responsabilité. Ça vous pousse bien à connaître qui est votre Dieu. Parce que comme vous le craignez, vous craignez. Regardez, par exemple, le peuple d'Israël. Quand Josué est entré en contact avec les Gabaonites, il n'y avait pas un esprit là-bas devant eux qui voyait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand ils ont su que le monsieur était à 3 jours de marche d'eux, ils pouvaient les saccager là-bas parce qu'il n'y a pas de Dieu là-bas. Mais ils savaient quel Dieu ils servaient. Le fait qu'ils connaissaient le Dieu, qu'ils savaient que c'est un Dieu d'alliance, qui ne tolèrent pas, les Juifs, avec les anciens d'Israël, avaient dit, on ne vous tuera pas, on fait alliance avec vous. Et ces personnes-là, vous devez aussi comprendre que ces personnes qui étaient là, les Gabaonites, savaient effectivement la puissance du Dieu d'Israël derrière le vœu. parce qu'ils sont venus le toucher sur le territoire même d'Israël. Et ils ont pris les enfants d'Israël sur leur propre piège. Alors maintenant, qu'est-ce qui les poussé à comprendre que s'ils font une alliance avec eux, ils doivent respecter? Parce qu'ils savaient que leur Dieu était un Dieu terrible, qui n'aime pas qu'on dise quelque chose, et ne l'accomplit pas. Dans le livre de Genèse, on a vu cela. Quand Laban poursuivait le prophète Jacob, ils sont arrivés à un moment donné, et Dieu lui a dit dans la nuit que quand tu vas arriver là-bas, ne lui dis rien, ni de bien, ni en bien, ni en mal. Laban a seulement compris que la façon que le monsieur s'est protégé, il faut qu'il veut faire un vœu avec lui. Ils ont mis une pierre là-bas, ils ont fait des libations, ils ont fait un vœu. Que Dieu, devant l'Éternel, que tu ne traverseras pas, comme tu es de ce côté-là, tu ne traverseras plus de cette pierre, cette partie-ci. Donc il a fixé une frontière spirituelle où Jacob ne pourra plus jamais revenir pour l'attaquer. Vous voyez cela? Il a mis une barrière. Jacob est entré dans la barrière, il a dit, je le jure par l'Éternel, je ne traverserai pas ici. Si tentait Jacob, tentait de traverser là-bas pour aller tuer Laban, malgré que Laban a ses idoles, Dieu le frapperait parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Me suivez, frère? Et remarquez bien une fois de plus, remarquez comment Dieu ne fait pas, pour cette chose d'alliance, si Dieu est le Dieu d'alliance, remarquez comment on a tué le Gabaonite. Saül a tué le Gabaonite. Sous le rapport de la puissance, Israël est puissant par rapport au Gabonite. Donc, il pourrait créer l'injustice. D'abord, on peut voir un peu comme un peuple méprisé, et en train d'être méprisé dans le pays. Les gens crient. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot parce qu'il est le justicier. Maintenant, les Gabonites étaient minoritaires, extrêmement minoritaires en Israël. En plus de cela, ils étaient sur un territoire qui est déjà conquis par Israël. En plus de cela, Dieu était le Dieu d'Israël. Donc, ça veut dire qu'Israël avait tout de son côté. Mais Israël, qui avait fait la faute de l'alliance, devait être puni pour les gens qui ne sont pas de chez Dieu. Donc, si vous êtes de chez Dieu, c'est davantage grave parce que c'est à nous d'implémenter dans la vie des gens qu'il faut qu'on donne un vœu et on l'accomplit. Parce que le Dieu, notre vœu, notre Dieu, c'est le Dieu qui accomplit son alliance. Il accomplit ses vœux, il accomplit ses serments. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Aucune des promesses faites par Dieu, notre Père, depuis la création, n'a jamais été restée désuète. Il l'a toujours accompli, pas vrai, frère? Et par conséquent, tous ces enfants devaient montrer comme ça. Il faut qu'on fasse des choses dans nos bureaux, dans notre travail, dans notre famille. Quand vous dites quelque chose, vous le fassiez, on dit quand il dit quelque chose, il respecte vraiment sa parole. C'est un homme de parole. Ça, c'est une femme de parole. Un de ces jours, on voit, on dit, mais il est quoi? On dit qu'il est chrétien. On dit, ah, je comprends. Je comprends parce que les chrétiens, ce sont les gens honnêtes. Ce sont les gens intègres. C'est pas seulement qu'on dit quelque chose, on dit que, ah, donc, toi, tu es chrétien aussi, toi aussi là. Tu es chrétien. Oui, mes frères. Donc, le bon aspect de vœu, c'est que ça nous pousse à être responsable, à être intègre, à être sérieux et à craindre davantage Dieu par rapport à nos paroles. Et en plus de ça, à mesurer bien comment notre parole doit être. Le frère Kadé, bonsoir et bienvenue. Je crois que tu n'étais pas salé depuis comme tu es connecté. Alors, à pousser notre cœur à être craintif vis-à-vis des paroles qui sortent de notre bouche. Comme le livre d'Éphésiens, chapitre 5 le dit, chapitre 4, verset 25, qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, ouais, le fait que le Saint-Esprit a de nous mettre les engagements, enfin, la sonnette d'alarme au niveau des paroles qui sortent de notre bouche, c'est pour nous montrer effectivement comment notre langue est dangereuse. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, ils servent à l'édification. Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'il ne sorte de votre bouche. Ne maudissez point. Mais bénissez plutôt. C'est nous, notre langue a le pouvoir de bénir. Vous voyez, bénissez au contraire. Dans le livre de Nombres, chapitre 5, si vous lisez au chapitre 5, chapitre 6, il disait que c'est ainsi que vous bénirez les uns les autres. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, j'ai dit que je sens qu'il veut vraiment vivre mes sens, les gens ne sont pas de parler. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il est dit que Matthieu, chapitre 10, lorsque vous entrez dans une maison, saluez cette maison. Si cette maison, si dans la maison se trouvent les enfants du Père, votre Père ira sur lui. Donc, les enfants du Père, les princes du Père, les enfants du Père portent la paix, la bénédiction sur leurs bouches. Par conséquent, le chrétien ne doit pas faire n'importe quoi avec sa bouche. Est-ce que vous savez, véritablement, mon cher frère, si j'appelle la sœur Suzanne Clodon, puis cette année, ce soit une année de grâce pour toi et que le Seigneur te visite d'une façon particulière où tu sauras effectivement que voici la présence du Seigneur véritablement. Est-ce que tu sais que comme c'est dit là, c'est vrai et ça arrivera certainement? Tu savais cela, ma soeur? Amen. Donc, remarquez, oui, c'est exactement ce qui est dit. Donc, la bouche est faite pour ouvrir les portes et pour aussi fermer. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi donc, la langue du chrétien est différente. C'est pour cela donc qu'il faut faire attention à ce que nous faisons. D'accord, ma chère? D'accord, mes soeurs. Prenons les finitions. Oui, ça c'est le bon aspect que j'ai montré. Je vais vous finir avant de montrer le mauvais aspect. Continuons dans. Prenons ce principe-ci. Quatre passages, prenons le principe là-dedans. Psaume 10, verset 17. Allons-y d'abord. Psaume 10, verset 17. Mais, le frère Trabi, s'il y a un moment où je n'étais pas encore béni, j'étais béni maintenant au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te bénisse, se souvient de toi et t'ouvre les portes dans tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie sans exception. Tout simplement à cause de cette question que tu as posée ce soir-ci, qui va permettre d'ouvrir la vie aux enfants du Seigneur. Puisse-t-il te bénir, se souvenir de ta famille et de tes entrailles. toutes tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen, amen. Le psaume 10, verset 17. Oui. Avant que tu ne lises, permets-moi de faire la prière à tous ceux qui nous écoutent en différé. Je prie pour quelqu'un qui écoute cet enseignement. Quelle que soit la personne qui écoute maintenant, si vos vies avaient été bloquées à cause des vœux faits par vous-même, par les parents, par des gens proches de vous et que vous ne connaissiez pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que vous écoutez cet enseignement, que la puissance de ces vœux-là soit brisée sur vous. Et je prie que les cieux qui étaient en diamant, qui étaient devenus en cuivre, s'ouvrent maintenant et que ça se roule afin que le temps de rafraîchissement vienne sur vos vies. Père, je prie pour la vie d'une femme, je prie pour la vie d'un homme, la vie d'une jeune fille, d'un jeune garçon qui était endurci à cause des vœux faits par la famille, à cause des mauvaises choses pratiquées et dites dans la famille qui l'ont attaché. Je prie au Dieu que tous ces sentiers soient brisés, que tous ces liens soient coupés dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus, je prie au Père que tu accordes la faveur, que tu accordes des temps de rafraîchissement, des visitations à tous ces hommes qui ont souffert à cause de ces vœux-ci. Je prie, Père, que des témoignages fusent par rapport à cet enseignement. Je prie au Père de gloire que tu ouvres toi-même, que tu exerces ta domination dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Jabi, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Psaume chapitre 10, verset 17, ma chère. Quelqu'un naît dans une famille, son père dit, son père est par exemple idolâtre. Il va devant les trônes, devant les crânes, ou bien devant les dominations. Il dit que ils appellent le nom de leur dieu, peut-être Ojango, ou bien Mami Wata. Si tu me donnes une fille, je te la consacre, elle ne se mariera pas. Et puis toi, un maigrichon comme ça, tu vas rencontrer la fille, tu te dis, tu me plais, oh. Dis oui. Après, tu forces, tu jeûnes, tu prends, tu peux jeûner. Pas jeûner, tu la prends pour mariage. Tu penses que dans ton mariage, là, tu seras tranquille. Vous voyez qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Lis-nous, ma soeur, lis. Psaume 10, verset 17. Amen. Amen. Je lis. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Oui. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille. Amen. Verset 2 encore. Lis encore. Écoutez très attentivement ces principes-là. Ici, c'est le principe du vœu et le pourquoi du vœu. Quand est-ce qu'on fait le vœu normalement pour que ça marche véritablement? Allons-y encore. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Oui. Tu as fermé leur cœur. Oui. Tu prêtes l'oreille. Oui. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer le foi. D'inspirer le foi. Donc, vous voyez, d'après ce qui est mis dans ces principes-là, si un aveugle, enfin, un orphelin, une veuve, vous faites quelque chose d'injuste envers eux, ils disent, ô Seigneur, voici tel monsieur. Imaginez par exemple un mari meurt. Il laisse sa veuve avec la maison comme ça se trouve en Afrique. Et puis la belle famille vient et enlève la femme de la maison. Prend la maison, dit que c'était l'argent de notre frère. C'était l'argent de notre frère. Toi, tu sors de telle famille. Tu es venu prendre maintenant les hommes pour venir ici à la maison-ci. Vous la jetez dehors. Vous avez pris de façon injuste ce qui lui appartient avec son mari. Elle va dans son coin et dit, Seigneur, si tu daignes me rendre justice, ô Père, en me donnant cette maison, je vais te consacrer cela, ça va, on se réunira pour prier, pour louer ton nom. Toi qui appelles la maison, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code quand Dieu va agir. Donc la Bible déclare donc que Dieu écoute, il prête attention à ceux qui font leurs vœux pour ceux qui souffrent. Donc vous voyez que dans la souffrance, quand vous êtes dépassé, faites des vœux à Dieu. Mais avant de faire des vœux à Dieu, mesurez bien le prix que vous allez accomplir, c'est pourquoi vous êtes fait. Il y a des gens qui ont fait le vœu à Dieu et disent, Père, si tu me donnes le travail, je te jure maintenant, même quand on ne jure pas, pardonne-moi que je jure, mais je suis obligé de jurer. C'est que le premier salaire, je te donne ça. Je donne ça aux pauvres, à un orphelin, ou bien même pour la gloire de ton nom. Et puis, le premier salaire, il voit 1200 euros. Tiens! Convertis en France CFA, il voit le France CFA, il dit que mince. Il lui donne ça comme ça qu'il a travaillé quoi? Attendez seulement, Dieu vous attend au tournant. si je peux me permettre, frère. Permets-toi, mon frère. J'ai un petit témoignage à cet effet. Oui, permets-toi. Voilà, je vais juste partager pour ceux qui ne l'ont pas entendu. En fait, avant qu'on vienne ici en Belgique, ma maman était ici en Europe depuis fort longtemps. Et donc, j'étais au Cameroun avec mon frère, mon petit frère. je n'étais pas véritablement croyant. Mais j'allais comme le dimanche à l'église pour des raisons surtout financières qu'autre chose. Et donc, bon, avec le temps, j'ai pu constater, enfin, au vu de nombreux échecs suite à demande du visa. Et donc, ça me perturbait quelque part parce que c'était de l'argent qui, tout le temps était jeté par la fenêtre. Et donc, dans cet élan, parce que j'avais déjà lu le passage avec Jacob, et donc j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Et en disant au Seigneur, voilà, si il permet qu'on arrive ici en Belgique, moi et mon petit frère sans problème, alors en arrivant ici, je vais donner ma vie complètement. Et des années après, j'ai oublié ce vœu. J'ai oublié ce vœu, je suis arrivé en Europe, en Belgique, Tu as sans vu problème. comment la vie est belle là-bas. Tu as dit, merde, il lui donne quelle vie La celui-là? même année, Il lui donne quelle vie? et j'ai commencé à jouer au football parce que j'étais passionné par le football. Et donc, j'ai complètement oublié. Ma mère m'invitait le dimanche à l'église, j'y allais. Et bon, je croyais que c'était suffisant pour ma part. Mais par après, c'est là que les problèmes ont commencé. Les problèmes d'adducteurs et autres qui m'ont poussé à juste me tourner vers l'église et à abandonner complètement le football. Et c'est comme ça, la même année, que j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai connu le Seigneur et que voilà, je marche avec lui. C'était juste un petit témoignage pour dire que même parfois qu'on oublie les vœux qu'on a eu à faire avec le Seigneur nous rappelle. Et le Seigneur fera en sorte que on aille dans la direction qu'on lui avait dite. C'est juste ce simple témoignage que je voulais partager avec vous. Amen. Merci pour ton Gloire au témoignage. Seigneur. Merci pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te Amen, amen, bénisse. frère, merci. Le mauvais côté de vœux maintenant. En tout cas, avant de continuer avec le mauvais côté, vous avez vu dans le verset 10, le verset 17 du chapitre 10 des psaumes, le principe qui est. Vous êtes dans la souffrance, et je crois que c'est le cas de notre frère. Il était dans la souffrance des visas. Vous voyez, il a fait le vœu à Dieu. Dieu a fait sa part maintenant, et puis il est arrivé là-bas, il a fait sa part. Mais tout à Dieu, il revient. Il vous le dit. Écrivez maintenant, il faut que vous soyez disciplinés. Prenez un cahier, que ce soit votre cahier privé à vous, que ce soit votre songe, vous y écrivez. Que ce soit les révélations, les sujets de prière, ce que vous demandez à Dieu, notez. Notez. Vous pouvez prier quelque chose à Dieu, vous demandez en 2000, il vous donne ça en 2019. Parce qu'il vous élève au temps convenable, dit la Bible. Et quand il donne, n'oubliez pas. C'est pour ça que beaucoup de choses, vous vous rendez compte qu'en réalité, Dieu m'a exaucé par rapport à tes choses, il m'a exaucé par rapport à tes choses. Vous avez prié depuis, vous avez oublié. Parce que ceci nous donne le sujet des actions des grâces et de savoir effectivement que notre prière signalée au-devant de lui, il a effectivement égard. Et ça nous pousse encore à adorer notre Père de la bonne façon. Donc, notons ces choses. Vous faites un vœu à Dieu, vous pouvez prendre une partie pour les vœux faits. Alors, vous n'avez pas besoin de. Vous pouvez faire le vœu étant seul. Vous regardez, vous dites, il y a tel ceux qui souffrent, Seigneur, telle chose qui arrive, le salaire qui arrive, si on m'augmente le salaire, tel pourcentage, je donnerai à cette seule-là chaque fois jusqu'à ce que la personne sorte. Vous écrivez comme ça. Ça va vous pousser à voir la chose et à donner la chose étant sérieux. D'accord, ma soeur, mes frères. Donc, le bon côté de la chose, c'est que le vœu nous donne d'être exemplaires devant le Seigneur, d'être intègres vis-à-vis de nous-mêmes et de notre conscience et de notre semblable, afin que le témoignage de ceux du dehors nous montre clairement que non. Même s'il y a les accusations, on voit effectivement que cette personne-ci est juste. Dans le Amen. livre des psaumes 10, dans le verset 17, nous avons vu ces principes là-bas. 1. Lorsque vous souffrez, vous êtes à l'extrémité, faites un vœu à Dieu, mais mesurez bien vous que vous devez. Supposons effectivement que la sœur Anne, notre grand-maman Anne, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, après avoir fait le vœu à Dieu qui devait donner l'enfant à Dieu, n'avait pas fait cela. Regardez même que son mari n'a pas fait opposition. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que pour qu'une femme prenne son enfant, elle est donnée au service de Dieu totalement comme ça là. L'homme peut facilement se dégager de l'enfant, mais la maman, pour que son premier fils, donné comme ça, qui reste là-bas. Ah, tu parles. Donc, c'est une femme qui aimait vraiment le Seigneur là-bas. Chapitre 76, maintenant, le verset 2. Des psaumes toujours. Frère Trabi, merci. Il cesse encore toujours de te dire merci. Merci pour cela, parce que je suis en train de ressentir dans mon esprit ce que cette question-ci doit faire. Frère, Oui. par exemple, vous avez donné l'exemple, enfin, t'as donné l'exemple, par exemple, si on prend un engagement de donner, bon, je donne un exemple, 100 euros à une sœur oui. par mois, oui. et que tu lui donnes 150 par mois, tu n'as pas respecté ton vœu. Non, non, non, tu as respecté le vœu et tu as même augmenté encore davantage de la largesse. Mais si tu baisses plutôt, tu as le problème. Ah, d'accord. Mm-hmm. Tu as été au-delà de ton vœu. Mais tu ne dois pas être en deçà. Parce que la Bible déclare que Dieu nous donne, il nous fait au-delà de ce que nous devons demander et penser, pas vrai? Hein? Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand Salomon a fait le vœu à Dieu, il dit donne-moi seulement la sagesse et la sagesse pour diriger ton peuple. Il a donné seulement la sagesse, frère. Non. Regardez très attentivement. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. La Bible déclare que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Le bras de l'Éternel est étendu, n'est-ce pas? Parlant de sa droite, dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 16, si on parle sous le rapport de la richesse, la Bible déclare que dans sa droite est la longue vie. Dans sa gauche, la richesse et l'argent. Donc la richesse et l'argent se trouvent même à la main gauche de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est dans le livre Proverbe chapitre 3, le verset 16, vous lisez. Ouvrez cela, voyons voir ce qui est écrit là-bas. Proverbe chapitre 3, verset 16. Donc, remarquez, je veux que vous considérez ceci. Sa droite qui manifeste la puissance, c'est là où se trouve la vie. Proverbe chapitre 3, chapitre 3, verset 16. Vous qui n'êtes pas marié, faites seulement le vœu à Dieu. Et voyez. Faites seulement le vœu. Voilà. Vous qui n'avez pas le travail, faites seulement le vœu à Dieu, mais mesurez-vous détenir. Moi, j'ai une petite question. Pose la petite question, tu auras seulement une petite réponse, d'accord, ma soeur? Une grande question, alors. Tu auras une très grande réponse. Amen. Alors. Attends, ma soeur, avant de poser la question, lisons Proverbes chapitre 3, verset 16, qu'on sorte là-bas et puis on revient avec ça. Oui. Allons-y, verset 16, ma soeur, lis. C'est toujours une délice d'être à table avec vous chaque soir pour partager, pas vrai? Plaisir partager. Amen. Même si on... Vous m'apprenez beaucoup de choses. On vous embête avec la question. Non, c'est pour cela que je suis là. Je suis là pour vous servir. D'accord, mon frère? Lisez... Verset combien déjà? Le verset 16 du chapitre 3 seulement. Verset 16. Alors, 6. Dans sa droite, une longue vie... Dans sa gauche, la richesse de la gloire. La richesse quoi, ma soeur? La gloire. Et la gloire. Bon. Et la gloire. Alors posez-vous la question. Quand vous venez devant Dieu, vous le salez avec votre main droite ou avec votre main gauche? C'est-à-dire, quand vous présentez devant Dieu, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Son cœur. Parce qu'il y a des gens qui saluent comme ça, la main droite, la main droite. Parce que si vous savez que quelqu'un avec la main droite, c'est la main droite qui va vous tendre, pas vrai? Oui. Si vous salez avec la main gauche, il va saluer avec la main gauche. Donc, vous allez chez Dieu, vous allez chercher quoi? Sa main gauche, la richesse et la gloire. Il faut toujours le saluer à la main gauche. Maintenant, pose ta question, ma soeur, ta grande question là. Alors, en fait, c'est pour revenir un peu sur... les vœux. Les vœux, voilà. Mmh. Et je prends pour mon cas, bon, je suis mariée. Mon mari est un converti. Oui. D'accord? Mais j'ai eu toujours à cœur de donner. Moi, je ne travaille pas. Mmh. Entre-temps, je m'étais promise de vouloir aider de vouloir aider des personnes. Oui. J'avais ça à cœur. Mmh. Et parce que je pensais pouvoir, en fait. Mmh. D'accord? Sauf que entre-temps, dans une discussion avec mon époux, il m'a formellement interdit de ne plus le faire. Voilà, attends, mais avant que tu continues, c'est très intéressant. Parce que là, tu te trouves dans Nombre chapitre 3, le chapitre 30 qu'on a lu. Donc, si tu fais le vœu, ton mari, même s'il est païen, il dit que arrête, tu arrêtes. Tu es libre. Je m'explique. Sachant que c'est lui, il n'y a que lui qui travaille, moi, je ne travaille pas, d'accord? Ma soeur. Et financièrement, c'est compris. Comme tu ne travailles pas, fais un vœu à Dieu. Le vœu que tu as fait là, il a cassé. La Bible, même ta Bible, nous lui donne le. Si tu tombes sur le verset un jour, tu vas dire que viens voir. Si tu veux l'amuser un peu, lis un peu ça, il entend, il va dire que voilà. Il sera très content. Voilà, il sera très content. Parce que vous savez, les hommes là, ils aiment ce qui les arrange dans les Saintes Écritures. Oui, ils aiment surtout lui. Quand tu lis les choses comme ça, il est content. Donc, Mais quoi, frère? Frère Junior, Oui. en fait, bon, donc nous sommes toujours dans la marche avec le Seigneur. Oui. Et on sait aussi que poser des actions, des bonnes actions en faveur des saints, Oui. ne sont pas mauvaises, Oui. comme ce qu'est la sœur Les actions, Cana. les bonnes actions ne vont pas à l'autorité, au-delà de l'autorité que Dieu a établie. Oui, je suis Parce que d'accord. dans la Mais je hiérarchie, gardez-vous à l'esprit que n'importe quelle œuvre qu'on fait doit être sous le gouvernement de Dieu. Le gouvernement d'abord, puis n'importe quoi par la suite. La grâce est en dessous du gouvernement de Dieu. Tu vois cela? On ne peut pas dire que comme nous sommes sur la grâce, on peut bafouer le gouvernement n'importe comment. Parce que le gouvernement vient avant la grâce. C'est pas ça qu'on se comprend. Oui. Et le gouvernement a les Oui. lois, puis la grâce pour pouvoir racheter les gens, pour ramener dans la loi. Ha! Oui, vas-y mon frère. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la sœur, même si ça a été cassé et qu'elle a toujours le désir dans son cœur de pouvoir aider quelqu'un, qu'elle le fait avec ses propres, ce qu'elle a en propre pour elle-même. Oui, même si c'est qu'elle C'est qu'elle. même c'est qu'elle pense qu'elle donne ce qu'elle n'a même pas. Tu comprends mon frère? Voilà. C'est ça qui est la vérité. Amen. J'ai pas tout compris, pardonnez-moi C'est là, ce qui voulait s'il dire vous que plaît. tu fais à ton niveau, d'accord? À mon À niveau. ta force. Voilà. Monsieur, Parce que, vous voyez, ce que la sœur a touché est très bien pour les couples, encore plus grave encore dans le couple qui ne sont pas chrétiens, que dans les membres ne sont pas chrétiens, pour prendre son cas. Si vous commencez à fonctionner, vous ne respectez pas l'autorité établie par Dieu. Vous allez commencer à faire comme Alain Dubois, vous appelez Alain Delon ou sur le bois que vous appelez dans le Tintin là, qui part voler l'argent en banque pour venir donner aux pauvres. Dans un côté, il fait les bonnes actions en disant l'argent aux pauvres. Quand le pauvre mange, il dit, oh Seigneur, donne encore Alain Dubois. Vous appelez quoi Robin de le bois. Robin du Robin bois? de bois. Voilà. Mmh. Quand le pauvre et les pauvres, les estropiés mangent là-bas, quand pour eux, Robin du Bois, c'est le plus bon type qui est en train d'exister, quoi, qui existe sur la terre. Non? Parce que s'il y avait des gens comme ça, comme lui sur la terre, il n'aurait pas de problème. De l'autre côté, à la banque, on l'appelle comment? Voleur. Voleur. Voleur. Maintenant, devant Dieu, on l'appelle comment? Voleur. Voleur. Il est voleur parce qu'il vole. Mais pour lui, il dit que non, moi, ma part de vol, c'est pour faire le bien. C'est pour ça que Dieu a mis le commandement sec. Tu ne voleras point. Le commandement, c'est Amen. sec, c'est un cachet sec. Tu ne voleras point. Non, frère, Seigneur, j'avais volé pour faire du bien. Tu ne voleras point. Ça n'a pas de sens. Alors, ce que cela me dit, c'est que quand l'autorité est donnée, maintenant, si vous ne comprenez pas ces choses, le principe d'autorité familiale, particulièrement entre l'homme et la femme, dans le gouvernement de Dieu, vous allez commencer à mentir. Vous serez obligé de mentir. Être hypocrite avec votre mari. Pourtant, la confiance doit être. Un jour, quand il découvre, il met en doute ta foi. C'est pas bon. J'ai une petite question à ce Attends propos, d'abord, mon frère. il faut que ça entre d'abord doucement. Suivez très attentivement. Je recommence encore. Vous voulez faire quelque chose sous le dos de votre mari. Vous faites ces choses-là. Tôt ou tard, votre Dieu va montrer à son Dieu des révélations vous concernant pour te corriger. Et là, parce que Dieu ne veut pas que tu sois hypocrite ni sois menteur comme lui, il est obligé de te livrer. La personne te dit que c'est toi qui dis que tu pries, non? Il va te montrer maintenant que les versets bibliques sont vrais pour toi. Toi, tu dis que tu pries, que tu es juste, regarde ce que tu fais pour te dire que tu ne devrais pas faire cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter l'autorité que Dieu a établie. Mon chéri, ou bien ma chérie, tu as dit que, enfin, pour le cas de la femme particulièrement, c'est parce que même si la femme est chrétienne n'importe comment, elle est toujours sous l'autorité de son mari. Alors, mon chéri, tu as dit que je ne donne pas de l'argent, je n'en donne pas, point. Alors maintenant, vous pouvez pourvoir à cette personne-là différemment. Même si vous n'avez pas, Seigneur, tu m'as calé dans l'autorité de mari ici, donne pouvoir à ceux-là aussi. En intercédant pour eux, tu fais accomplir toujours tes vœux. D'accord, ma soeur? Oui, ma soeur, pose maintenant une petite question concernant ce que tu en as dit là. Oui, en fait, j'avais pensé, parce qu'il y a aussi la sagesse qui veut que quand on a un mari comme ça, eh ben, on agit par sagesse, on use de sagesse en fait. Tu vas ouvrir la sagesse comme ça pour prendre son compte alors que c'est connecté sur ton téléphone. Tu bouges un euro, ça saigne dans son téléphone. Tu fais comment? Non, non, pas comme ça, mon Oh, frère. ok. En fait, quand il me donne de l'argent, il me donne, eh ben, je mets un peu de côté. Voilà, ça c'est la On joue sagesse. de donc. Ça, Voilà, c'est la et sagesse. il ne le sait pas. Un de ces jours, Voilà, quand il est coincé, il dit que as-tu de l'argent dans la oui. maison? As-tu un peu d'argent dans la maison? Tu lui dis quoi? La belle de la sainteté, la connexion s'est coupée. Ah. Attends d'abord, réponds-moi. Et un de ces jours, il est coincé. Il dit que ma chérie, t'as pas un sou quelque part gardé là? Qu'est-ce que tu lui dis? Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est pas. Réponds-moi d'abord. Quand il dit, est-ce que tu as quelque chose de gardé à la maison, tu dis quoi, ma soeur? Oui ou non? Ah non, non, mais je lui dis la vérité, ça c'est sûr, je ne Voilà. peux pas La mentir. vérité, ce Oui. sera que tu dois leur dire la vérité. Qu'en réalité, quand tu me Bien donnes, je sûr. fais mes petites économies. Pour en faire quoi? Voilà. Pour mettre au service du Seigneur selon que le Dieu me distribue, me donnera, d'accord? Mais imagine par exemple que tu en as gardé comme ça là. Il voit, il ne dit rien. Un jour, il te demande, tu dis que non, j'ai pas d'argent. Tu penseras que qu'est-ce que va prendre l'autre? Ta foi va prendre un coup vis-à-vis de lui. Soyons Bah, intègres pratiquement dans notre foyer c'est ce afin qui se que passe. le Seigneur se Oui. glorifie. D'accord, mon frère et ma soeur? Amen. Écoutez bien encore cela en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En tout Amen. cas, ça, c'est les choses des femmes dans la sainteté. Les hommes n'ont pas besoin d'entendre cela. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Et à plus tard. N'est-ce pas? J'ai une petite question, mon frère, Encore c'est une petite possible? question. Oui, vas-y, pose la Une petite grande question. question. Pose alors. Voilà, une moyenne. Ouais. Oui. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais juste, je veux poser en fait une situation que j'ai vécue avec ma fille. Oui. Ça m'a interpellée la dernière fois et j'ai dit qu'il fallait absolument que je pose cette question. Oui. Donc, je profite de ton passage. Oui. Alors, en fait, je voulais savoir, est-ce que ma fille, une fois, vous savez, quand les enfants sont petits, ils disent qu'on dit qu'ils ont des amis imaginaires. Vous voyez? Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que ma petite, il y a 2 ans de cela, je vais la chercher à l'école et la maîtresse me dit qu'elle a pleuré. Elle a pleuré. Je dis, comment ça, elle a pleuré? Bon, elle parlait en anglais, donc voilà. Elle me dit, elle a pleuré. Elle m'a dit, elle me parlait du chien, que son chien. Je dis, hein, son chien, mais quel chien? Donc, je regarde, je dis, mais on n'a pas de chien. Je regarde ma fille, je dis, mais c'est quoi cette histoire de chien? Et elle me dit qu'en fait, j'ai pleuré parce que j'ai perdu mon chien. Je dis, mais on n'a pas de chien. Elle me dit, mais en fait, j'ai perdu mon chien imaginaire. J'étais choquée. J'étais choquée. Je dis, quoi? Mais quel chien imaginaire? Elle me dit, je dis, raconte-moi ça. Bon, je ne voulais pas lui montrer que j'étais dans tous mes états. Donc, elle me dit, oui, mais elle était triste, mais alors triste. Elle venait de pleurer en classe et tout, elle était triste. Donc, elle me dit, oui, maman, en fait, ce matin, je me suis réveillée et habituellement, quand je vois mon chien, quand je l'appelle, il se réveille et on s'amuse. Et là, ce matin, eh ben, quand je me suis réveillée, je suis partie le secouer, il ne bougeait plus. Alors, j'ai compris qu'il était mort, j'étais triste. C'est Quoi? C'est quoi ça? sérieux cela. Traitons cela dans la femme de la sainteté parce qu'il s'agit du foyer là maintenant, n'est-ce pas? D'accord, Bonne nuit à d'accord. vous. Bonne nuit à tout le monde. Vous êtes d'accord, Bonne n'est-ce pas? chance. Bonne nuit. Bonne nuit, les frères. Bonne nuit. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, Merci beaucoup. j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux aspects. L'aspect positif de ça qu'on doit répondre. J'ai répondu de l'aspect positif. J'ai pas répondu de l'aspect négatif. Je vous dis bonne nuit, vous dites bonne nuit. Donc, vous pensez que c'est complet, frère? Non, du tout. On vous attend. C'est toujours. Même si ça a 2 ans. Ah. Donc, c'est toujours vous qui dites bonne Non, nuit. oui, l'aspect négatif. C'est toujours vous qui dites bonne nuit. C'est toujours vous qui dites non, qu'on vous attend. Ah non, non, moi j'ai jamais dit bonne nuit, moi. Non, tu as dit mauvaise nuit à moi Oui. seulement, n'est-ce pas? Ah non, non, on attend, peut-être c'est une pause musicale, Deuxième disons, sinon partie. c'est une pause et puis après on va revenir pour une deuxième partie. Bon, de toute façon, Voilà. l'aspect négatif est assez bref. L'aspect négatif, c'est que si tu fais, tu confirmes sur tes avoirs. Bonsoir et à bientôt. Aïe, aïe, Que le aïe, Seigneur vous c'est bénisse. sec, c'est sec. C'est sec, n'est-ce pas, frère? C'est bref et c'est précis là. Bref, fait et facile, pas vraiment, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Emmanuel, le frère Emmanuel Yuba, il y a besoin de toute terre. Pour mon frère Emmanuel. Oui. Éternel et son nom. Aussi. Nous prenons tes noms devant Pas du tout. Je ne sais pas du tout. Pour le 27, là, c'est à quelle heure en fait? Nous prenons tes Ah, noms. De 8h. De 8h à 8h. Comment? J'ai pas entendu. C'est quelle heure? De notre trône, nous Le Seigneur va Nous voulons t'adorer. Seigneur, C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur.